Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé une bonne nuit avec ce vent de fou qui a soufflé, soufflé. Qu'est-ce qu'il a soufflé? Bah en tout cas, on en parlera dans un instant. Au niveau météo également, il y a Julie qui est également en pleine forme. Oui, je suis en pleine forme, je n'ai pas entendu le vent souffler, chez moi, ça a soufflé grave. Non, elle a entendu chouchou ronfler. Ouais, ouais, bah probablement, mais non. Je me suis surtout endormie comme une masse. Ah oui, bah en même temps, elle avait dormi 45 minutes le jour d'avant, oui, donc etc. Donc, ça aide. Donc ouais, forcément, ça aide, effectivement. Bon, en tout cas, bah, chez vous, dites-nous hein, ce qu'il a fait comme temps. Est-ce que là aussi, il y a eu beaucoup de vent ou pas, en l'occurrence? Qu'est-ce qu'il y a? Stop, Lob vient de rentrer dans le studio, Lob a une veste de costard. Bah, oh, attends, il a mis la chemise et tout, il s'est épilé le torse. Ah, par contre, il a bien le pantalon baggy, hein, bien large, bien jeans. Faut juste regarder au-dessus. Parce que je viens de courir dans les escaliers et j'ai perdu. D'accord, ok. C'était une blague une fois de plus. Oui, mais c'est raté, hein, mais c'est pas grave. C'est bien tenté. C'est pas grave, mais on va tweeter. On va, mais évidemment, on va tweeter. Ça, c'est pour une fois qu'il est habillé correctement, on peut passer à côté, hein, ça devient compliqué, effectivement. Non, mais c'est vrai. Bon, t'as Fabien en pleine forme? Écoute, ça va. Ça va, tant mieux. Sandro également, le stagiaire qui est là, qui termine bientôt son stage d'ailleurs, puisque l'école recommence. Oui, malheureusement. Ben oui, il est assez. Qui va me servir mon café? Ah, ben Lob. Bah oui, je pense qu'il y a maman, il y a que ça à faire. Ne vous inquiétez pas, il y a une nouvelle fournée de stagiaires qui arrive. Nous voilà rassurés. Mais oui, il y a recrutement toute la matinée. Cool. Bon, ce matin. Que des filles, quoi. Ah, il y a quelques-unes. On voit bien que c'est Tof qui sélectionne, parce que c'est que des gonzesses. Arrête de se plaindre l'année dernière. Bon, forcément, il y a deux semaines, quoi. Tu disais, oui, il y a que des mecs et je suis toute seule autour de tous ces hommes. Ouais, mais donc elle est jamais contente. Tu vois. Et puis, de toute façon, ne t'inquiète pas, j'ai rendez-vous avec des hommes, des mâles, des mais vrais. Mais oui, des beaux, tu vas voir. Bon, ouais. Il y aura Tom Hanks tout à l'heure avec Terminology Blessed. On passera également Jason Derulo. Il y aura Cobra Starship. On vous passera également le son de Chris Brown avec Pitbull. Ce sera International Love. Tout ça, ça se passera évidemment avant 6h30 ce matin. Encore, on vous remboursera vos factures, bien sûr. Nous aurons des tonnes d'iPod Shuffle à vous offrir, avec notamment tous les jeux. Êtes-vous plus intelligente qu'une Miss? On refera le jeu, tiens, aujourd'hui on l'avait fait hier pour se marrer. On refera également, bien entendu, le Free Code Game. Nous aurons la chance aussi de forcément faire un petit invité mystère, aussi une petite devinette qui colle. Ça va arriver d'ici quelques instants. Et puis si vous voulez vous inscrire dès maintenant, donc pour qu'on vous rembourse vos factures, n'hésitez pas, dès maintenant, 6322, débutez votre message tout simplement par facture avec le montant de la facture, l'objet. Et puis nous, on vous rappelle évidemment pour vous rembourser vos factures. Voilà. Et puis on va y aller maintenant. Première devinette qui colle. Elles avancent au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas. Montage mouvante et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra. Qui sont-elles? Je répète. Elles avancent au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas. Montage mouvante et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra. Il y en a en général, par exemple, au Sahara ou même à la mer. À la mer du Nord, il y en a aussi également. Voilà, si les vous méduses. Avez... Non, pas de méduse, non. Ah, si vous avez la bonne réponse, 6322, il y a des iPod Shuffle à gagner. Vous pouvez aussi vous inscrire. Vous avez été nombreux depuis hier soir d'ailleurs à le faire. Vous inscrire sur Twitter et sur Facebook. Vous allez tout simplement sur le Twitter et sur le Facebook. MIKL officiel. Voilà, dans un instant, c'est l'info de Julie qui va débarquer sur Fun Radio. En attendant, ne bougez pas. On va revenir dans un instant avec Ligne Anti-Relou et avec les canulars de Tof. On va encore souhaiter bonne année. Bah oui, j'ai décidé que tant que j'avais pas quelqu'un qui m'avait souhaité bonne année, je rappellerai. D'accord. Eh ben, on va continuer comme ça. On avait fait ça hier. On va continuer comme ça jusqu'à 9h30. Soyez les bienvenue et bonne matinée tout le monde sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, c'est ça, je fais ce que je peux, effectivement. Bonsoir, bonne matinée, j'avais tout mélangé. Donc, bonne matinée tout le monde, c'est Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30 avec les iPod Shuffle à gagner. Vous êtes nombreux à être tombés dans le panneau, c'est le cas de le dire. Personne n'a trouvé la bonne réponse pour l'instant à la petite devinette qui colle pour gagner vos iPod Shuffle. T'as trouvé, toi, Julie, quand même? Ah, j'ai pas écouté. Ah, bah, comme d'habitude. Par contre, je suis en train de voir les deux bras cassés qui m'entourent là. Ils regardent l'ordinateur avec la bouche grande ouverte. Bah, ils essayent de le réparer. quand même dire que mon ordinateur est cassé. Oh, et ils sont devant comme ça, ils le regardent avec la bouche. Je ne sais pas l'utiliser. Hein. Tu vois, on essaie de l'aider encore à la graisse encore. Tu vois, c'est comme dramatique. Juste qu'une fois plus, je trouve mon ordinateur cassé. Il y a trois tours par terre, donc du coup, on ne sait pas laquelle. On ne sait pas laquelle, évidemment. Bon, elles avancent au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas. Montage mouvante et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra. Qui sont-elles? Qui sont-elles? Vous proposez du sable. Il n'y a pas 10 000 des sables. Non. Ça se trouve par exemple au Sahara, ça se trouve dans le désert en l'occurrence. Ça peut même se trouver à la mer du Nord. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 63-22, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être dans un instant avec vos iPod Shuffle de toutes les couleurs. Hein. Vous choisirez la couleur que vous souhaitez, bien sûr. Bonne chance tout le monde. Et puis à 6h30, c'est l'heure de se faire un point d'actu. Maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous. Bonne nouvelle pour certaines personnes. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. Ah, yeah. L'hiver a été très doux. Il reste donc pas mal de stocks dans les magasins. Les consommateurs peuvent s'attendre à des rabais de moins 30 à moins 70% selon Comeos, la Fédération du Commerce et des Services. Les plaisirs d'hiver ont résisté à la crise. Le grand marché de Noël au cœur de Bruxelles a connu un nouveau succès cette année avec environ 1,5 million de visiteurs. Seul bémol, les températures, une fois de plus, particulièrement douces durant le mois de décembre. Elles ont entraîné une baisse des ventes sur les produits typiquement hivernaux comme le vin chaud, les écharpes ou les bonnets. Le corps mutilé d'une femme a été retrouvé dans son appartement à Binche, selon le journal Sud Presse. La police locale a été appelée hier après-midi sur place. Le corps sans vie d'Isabelle Paternoster a été découvert gisant dans son sang, horriblement mutilé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les blessures ont été provoquées par un objet contondant. Le compagnon de la victime aurait affirmé avoir retrouvé le corps dans cet état, manifestement sous l'emprise de la boisson et ou de stupéfiants. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années a été placé en cellule de dégrisement. Autre découverte macabre, cette fois à Bruges, le corps d'un étudiant de 20 ans, originaire d'Ouskamp, a été repêché dans un canal. Il était porté disparu depuis le 10 décembre dernier. C'est un jogger qui a remarqué hier en fin de matinée un corps flottant à la surface de l'eau. L'autopsie aura vraisemblablement lieu dans le courant de la journée. Le jeune homme de 18 ans à l'origine d'une collision entre deux voitures qui a coûté la vie à une jeune fille la nuit du réveillon à Liège a été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures. Pour rappel, il roulait à grande vitesse, il a brûlé un feu rouge, il avait aussi bu mais de manière modérée. Et son permis de conduire délivré il y a à peine quelques mois lui a été retiré, faisant l'objet d'une citation accélérée. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal de police. À l'étranger, au Sénégal, le chanteur vedette Youssou N'Dour a annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de février. Et puis enfin en sport, Yanina Wickmeyer commence bien l'année 2012 au tournoi d'Auckland. La 26e mondiale a battu la Tchèque Karolina Pliskova au deuxième tour. Wickmeyer sera opposée à l'Italienne Sarah Errani. Et il est 6h32 sur Fun Radio. C'est mardi aujourd'hui, le 3 janvier. Passons à la météo. Prudence, ça va souffler encore pas mal aujourd'hui avec des rafales allant de 90 en Gaume jusqu'à 110 km/h entre les Flandres et Anvers. La soirée sera à nouveau copieusement arrosée. Et bonne nouvelle, ça se calme demain pour reprendre de plus belle jeudi. Aujourd'hui, côté température, c'est un petit peu plus frais, de 4 à 11 degrés. Bah, tu me rassures quand même. Je disais qu'il y avait super vent, il y avait eu du vent. Non, il ne s'est rien passé. Quand même, elle me confirme. J'ai pas dit qu'il était. Alors, déjà, je parle du chez vent. Chez toi. Alors, bon, déjà, premièrement, t'as parlé du vent cette nuit. Moi, je te parle du vent qui va arriver ce soir. Deuxièmement, je t'ai dit que je m'étais endormie comme une masse. Donc, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de vent. C'est ça. Regarde. Un petit peu d'amour, tous mais les oui, deux. Mais oui, ça t'a fait un petit peu cette agressivité. Alors que moi, je l'aime. Tu vois, elle veut pas. Je débarque au studio et je n'ai pas de matériel qui fonctionne. Ça y est, tu vois. T'as vu, les matérialistes. Elle pourrait être contente de notre bonne humeur, etc. Et non, tu vois, c'est matérialiste. On t'aime, Julie. Mais oui. Bon, alors, quelle est l'info en plus? Oh, écoute, j'ai pas envie d'affaire, écarte-toi. Je réfléchis. Alors oui, attends, c'est quand même assez fou. Aux Maldives, vacances plutôt pas mal. Paradisiaque, on va dire, carrément. En général, quand tu vas aux Maldives, c'est là pour prendre du bon temps, quoi. Ouais. Tu te dis, je vais me prendre soin de moi. Et par exemple, les hôtels spa, tu sais, c'est où tu peux te faire des massages, enfin des trucs super chouettes. Eh bien, les spas ferment sous la pression des islamistes. Ah bon ? En fait, le gouvernement des Maldives a ordonné la fermeture des spas, des hôtels de luxe sur l'ensemble de cet archipel de l'océan Indien après les protestations d'un parti islamiste qui affirme qu'ils sont des lieux lieux de prostitution. Mais oui, ce sont des lieux de débauche. Et donc voilà, le ministère du Tourisme a demandé à tous les hôtels des 1192 îlots coralliens des Maldives de fermer leur spa, leur centre de soins esthétiques et de massage, avec effet immédiat. Ah ouais, c'est dommage, c'est relou. C'est un petit peu dommage parce que... Enfin, c'est pas comme si on allait tous les jours aux Maldives, mais... Quand même, oui, mais quand même, c'est une destination où, en général, tu fais tout péter, parce que déjà, ça coûte cher pour y aller. Et donc, tu te dis, bon, autant prendre la totale et prendre l'hôtel de luxe. C'est vrai. Les hôtels luxueux ont, en général, aussi toujours leur spa. Et puis voilà, ça doit fermer parce que les islamistes pensent que ce sont des lieux de prostitution. En même temps, dans le vlan sur sauna et spa, généralement, c'est pas très net. Hein. Ouais, en général, il y a toujours des trucs un peu bizarres, effectivement. Ouais, 6h35 sur Fun Radio. Dans un instant, on parlera de l'infotrafic. Je vous remettrai un petit coup la petite devinette qui colle, évidemment. Et puis, on s'écoute Chris Brown sur Fun Radio, le son Dance Floor avec Pitbull et International Love. 6h36 sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe qui est en pleine forme. On vous remboursera vos factures aussi d'ici une demi-heure. Et puis je vous le rappelle, tous les soirs c'est le retour d'Evan et toute la tribu qui sont là en direct, notamment tout à l'heure à partir de 17h, avec aussi Julien Dorien, grand reporter, bien évidemment toujours au top de l'actu, toujours sur le terrain bien évidemment. Écoutez, Julien Dorien, c'est dans la tribu sur Fun Radio. Et l'info du jour s'est passée à Liège avec un bureau de poste qui a été évacué à la suite de la découverte de plusieurs enveloppes contenant une poudre suspecte. Nous avons donc demandé à Julien Dorien, notre envoyé spécial, de s'y rendre. Julien ? Oui Evan, je suis sur place après avoir recueilli des informations. Je peux vous affirmer que l'évacuation s'est bien passée. Elle a duré près de 2 heures. 2 heures ? Deux heures pour évacuer un bureau de poste ? Mais c'est énorme ! Ah mais oui, mais vous savez, évacuation ou pas, cela reste un bureau de poste. Il a donc fallu réveiller la dizaine d'employés qui étaient dans les bureaux. Quoi, les employés dormaient ? Non. Après leur avoir posé la question, ils m'ont répondu qu'ils réfléchissaient. Bon, très bien, merci, ça fait plaisir. Julien, vous avez eu des informations, c'est ce qui nous intéresse quand même, concernant les enveloppes qui contenaient visiblement de la poudre suspecte. Oui, écoutez Evan, je me suis procuré cette fameuse poudre car les analyses prenaient trop de temps et je vous propose tout de suite de découvrir ce que c'est. Eh hey, mais qu'est-ce que... Julien, qu'est-ce que vous faites ? Oh, je la sniffe, je la goûte, à l'envoi. Et vous n'êtes même pas sûr que c'est de la drogue, et même si ça en était, vous n'allez quand même pas vous droguer là, maintenant, c'est quand même de la radio, vous faites du journalisme, Julien ! Eh bien, de une, cela s'appelle du journalisme d'investigation, je m'investis à fond pour mon boulot. De deux, quelle est la seule poudre qui permet de vous réveiller 10 personnes qui dorment dans un bureau de poste ? La coke ! Donc je savais ce que je prenais. De trois, je suis teuf, et de quatre, je vais devoir faire une petite. Bon, stop, Julien, on arrête là, hein ! Ça suffit ! Coupez-le, monsieur Milan ! Merci, Julien, hein ! C'est Julien Dorien qui sera de retour évidemment dans la tribu avec Evan. Et à 6h39 sur Fun Radio, on va faire un point sur l'infotrafic dans un instant. Et c'est Tom Hanks maintenant, c'est Blast sur Fun. Tom Hanks à l'instant sur Fun Radio à 6h42. Il y aura Cobra Starship dans quelques instants. Je vous remettrai un petit coup aussi par rapport à la petite devinette qui colle qu'on cherche pour que vous puissiez repartir avec vos iPod Shuffle. Mais avant cela, petit point sur l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Tom ? Eh bien rien. Et bah tant mieux, j'ai envie de dire. Et ça c'est bien, mais parce oui. que bien évidemment certains sont encore en vacances. Et ouais. Les petits, ceux qui nous aident pas mal sur les routes, il n'y aura pas grand chose normalement aujourd'hui. Bah, c'est ça, qui veut dire pas de prof, veut dire pas de parents qui déposent les gosses, donc forcément bah, beaucoup Surtout de monde en moins. La pluie va arriver dans le courant de la journée, donc ce matin ça devrait aller. D'accord, très bien. Bon bah 6h42 sur Fun, donc tranquille, hein, si vous êtes sur la route, normalement il ne se passe rien, mais si toutefois il se passerait quand même quelque chose chez vous, n'hésitez pas à bien sûr faire jouer la Fun Solidarité et à nous prévenir pour que nous puissions prévenir les autres auditeurs de Fun. Vous nous envoyez votre message au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors tout simplement sur mon mail mikl@funradio.be. Dans un instant, c'est la ligne anti-relou qui débarque sur Fun Radio et on écoutera aussi le son de Cobra Starship. Cobra Starship avec Sabi sur Fun Radio, ce sera You Make Me Feel, ça va arriver juste après ça. Bonne matinée avec nous, c'est le 3 janvier ce matin. Ne bougez pas, Mikl à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. C'est la ligne anti-relou sur Fun Radio. Soyez les bienvenus à 6h47 ce matin. Nous sommes là en direct ce matin avec vous toutes et vous tous. Et sachez que la ligne anti-relou est là, disponible rien que pour vous. 0-473-86-00-13. Numéro de la ligne anti-relou que vous allez devoir, et pouvoir plutôt même donner à tous les relous que vous allez croiser, que ce soit au boulot, que ce soit en boîte, que ce soit en cours, que ce soit au chôme du. C'est possible aussi, il y en a hein, dans la file parfois qui sont là en train de vous prendre la tête. Hein. Non mais c'est vrai. Donc 0 473 86 0013. Et du coup, vous allez peut-être éviter des genres de mecs comme ceux-là, par exemple. Bonjour, je vais te parler, mais c'est mieux si tu descends, on boit un café ou quelque chose. Mais je sais pas, moi j'ai ton numéro, je m'appelle Nasser, et quand tu peux, tu m'appelles. Comme ça, on sort, on boit un café, on parle. Mmh. Ok? Oui. Bonne chance, merci. Voilà, voilà. Tu dis oui, mais moi j'ai rien. Ok. Bah, il voulait boire un café, quoi. Il a dit que c'était plus facile pour se rencontrer si elle descendait en bas, forcément, pour boire un café. Voilà. Ah, voilà. Moi, j'ai rien. T'as pas compris? Ah non, moi c'était pourtant clair. Mais oui. Comment clair. Tu veux comprendre? Puis comment toi, tu veux avoir envie de rappeler, surtout si tu comprends rien? Ah, ça, c'est un autre problème. J'ai pas dit que j'avais envie de rappeler. J'ai dit que j'avais compris ce qu'il a dit. Ce qui n'est pas pareil. Bon, deuxième message. Salut, j'y vais. Ça va, mon cœur? Tu vas bien? Mon cœur. Je m'en viens, non? Avec Fantasie et Gilly. Tu vois, ok, ils se sont. Et quand ils connaissent, please. Ouais. Et ce matin, ils sont en pleine forme. Hein. Que l'abus d'alcool est dangereux. Ah, ben ça, on a encore des messages du nouvel an, hein, forcément. Là, bah oui, à mon avis, je pense qu'au niveau des gens un peu bourras, on va s'en taper pendant quelques temps encore. Hein. Allez, troisième et dernier message pour Starcy. Allô, oui, Steph. Je voulais dire que j'avais passé une bonne soirée hier. Ben voilà, je suis tout seul. Ma femme, elle bosse. Donc. C'est dur. Ouais, bah c'est quand tu veux. Hein. Je t'attends. Je t'attends. Voilà, j'ai que ça à faire. Bah attends. Voilà, bah oui, bah attends. Ciao. Bah voilà, il va attendre. Je pense pendant un petit bout de temps. Hein, parce qu'elle n'est pas prête de rappeler. En tout cas, j'espère pour elle. Parce que sinon, elle est un peu idiote, moi. Mais bon. Même bien que Julie rappellerait directement, je pense. Ah ouais, bah attends, c'est tout à fait le genre de mec que j'adore. Oui, attends, Julie, son kiff, c'est les hommes mariés, donc. Ah oui, bien sûr, elle adore. Mais évidemment, elle kiffe. Mais d'ailleurs, si vous êtes marié, faites gaffe, hein, on mais sait jamais. N'importe hein. quoi. Une Julie peut en cacher une autre. Ah, n'importe quoi. Faites attention. Les hommes mariés, les petits jeunes de 16 ans, elle aime bien. Ouais. mais vous êtes en plein fantasme, là, il faut arrêter de délirer. Bon, allez, 6h49 sur Fun Radio, je vais vous rappeler la petite devinette qui colle maintenant pour gagner vos iPod Shuffle qu'on vous offre. iPod Shuffle, toutes les couleurs, vous pouvez choisir ce que vous voulez, gris, bleu, vert, orange ou même rose. Il suffit de demander si vous avez la réponse, bien sûr, à la devinette qui colle. Elles avancent au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas, montage mouvante et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra. Qui sont-elles? Il y en a plein à la mer du Nord, il y en a dans tous les déserts. Et on proposait les sables mouvants, non, c'est pas ça non plus. On proposait le sable tout court, ce n'est pas la bonne réponse non plus, ce n'est pas des cendres non plus. Donc si vous avez la bonne réponse, eh bien 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Mickaël à la radio. Hey, what's up? This is Gabe from Cobra Starship. Le matin, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Je comprends rien. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Il est 6h53 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'était Cobra Starship à l'instant avec You Make Me Feel. Il y aura dans un instant Shana Paul avec She Doesn't Mind et puis... Ah, vous le savez, c'est Nouvel An, et Nouvel An, c'est forcément. Ah bah, Nouvel An, mais ouais. C'est forcément le moment où on appelle les gens pour leur souhaiter la bonne année, etc. Mais oui, c'est le seul mois de l'année mais où oui. on est content, on partage avec les gens. Aucun respect, même pas pour le Nouvel An. Mais c'est pas vrai. Donc, du coup, nous, on s'est dit qu'on allait appeler les gens pour leur souhaiter bonne année. Évidemment. Voilà, donc on avait essayé hier, parce qu'il faut savoir qu'on a essayé, on essaie depuis hier. Bon, ça n'a pas bien marché hier. On a appelé à Saint-Nicolas, on s'est fait insulter. On a appelé à. Où est-ce qu'on a appelé encore? On ne sait plus. À Étal, on s'est fait insulter. À Fleurus, on s'est fait insulter, donc aujourd'hui on va appeler à Sprimont. Appelons à Sprimont, peut-être voilà. Que les gens de Sprimont sont plus sympas. Ben, je ne sais pas, écoute, on va essayer, en tout cas, on y va, on appelle direction Sprimont maintenant pour souhaiter la bonne année aux gens, car c'est comme ça, Fun Radio, la bonne année, la bonne humeur. La joie de vivre, la sympathie. Et Julie pour l'info. Allez, on y va. Chercher l'erreur. C'est ça. Oh là là là là. Je vais vite rentrer. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Qu'est-ce ? Je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année. Oui, bonne année, monsieur. C'est qui à l'appareil ? Qui à l'appareil ? C'est off. Hein ? C'est off. Bonne année. Allô ? Oui, bonjour, madame. C'est qui à l'appareil, s'il vous plaît ? C'est off. C'est qui que c'est off ? Ben, c'est moi. Ben oui, mais tu s'en fous comment ? Ben, c'est toff comme toff. Ah ben, je ne vous connais pas, moi. Bonne année quand même. Mais bonne année, madame. Et c'est quoi vos bonnes résolutions, alors, pour cette nouvelle année ? Ah, bah non, elle dit bonne année, puis elle raccroche. Attends, dis donc. Oui, sa bonne résolution, c'est de me raccrocher à la gueule. Ah non, bon, on va le rappeler, on va le rappeler, on va le rappeler, on va le rappeler. Bah non, c'est dommage, on a failli arrêter là. Oh, c'est con. Bon, allez. Allô ? Oui, je voulais vous demander, c'est quoi vos bonnes résolutions pour cette année ? Ben, je sais pas encore. Ben, c'est pourquoi tout ce dont honte ? Ben, c'est pour savoir ce que vous avez décidé pour la nouvelle année ? Ben, écoutez, messieurs, si vous l'arrêtez, j'appelle la police. Ah ouais. Bon bah c'est pas gagné pour la bonne année hein, c'est dommage. Elle va appeler la police. Ah ouais, bah, elle va appeler la police, elle a bien raison. Ah oui, elle était de bonne humeur. Ah Sprimon, elle est de bonne humeur le matin à 6h50. Ah ouais, je vais appeler la police. Ouais, bon allez, 6h56 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Si vous avez, si vous connaissez des numéros de téléphone des gens en l'occurrence qui seraient de bonne humeur si on les appelle le matin pour leur souhaiter bonne année, ben non, ne nous donnez pas leur numéro de téléphone. Par contre, si vous êtes persuadé qu'ils vont être désagréables, par contre là vous pouvez partager le numéro de téléphone bien sûr au 3044. On vous attend avec impatience. Dans un instant, je vous donnerai un petit indice par rapport à la devinette qui colle pour repartir avec vos iPod Shuffle toute cette semaine dans Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et puis on va écouter le son de Sean Paul maintenant. She doesn't mind. Bonne matinée avec nous. Il y a l'info de Julie qui arrive. Bonne matinée avec nous. Il est 7h sur Fun Radio. Dans un petit instant, nous allons faire un petit point du côté des factures puisqu'on va vous les rembourser au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous réexplique dans un instant. Et puis bien sûr, toujours les iPod Shuffle à vous offrir si vous avez la réponse à la devinette qui colle. Elles avancent au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas, montage mouvante et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra. On les trouve eh bien dans le désert, on les trouve également à la mer du Nord, entre autres, hein, dans plusieurs plages, on va dire, c'est comme ça. Mais à la mer du Nord, il y en a également. En général, il y a des espèces de petits arbres bizarres dessus, là, comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. D'autres indices éventuellement à donner ? Des flamants ? Non, oui, pas il y a du beaucoup tout. D'arbres sur ah, les flamants. Non, c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ça. Proposer une tempête de sable. Non, pas du tout. Hein. C'est un mot en l'occurrence qu'on cherche. Ça ressemble un petit peu avec une lettre différente à ce qu'il y a dans le ciel, le satellite de la Terre. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bah si, si, avec une lettre qui change. Réfléchis. Ou alors on peut dire ni deux. Merci, Lob. Dans un instant sur Fun Radio, Rihanna arrive avec We Found Love. Et la bonne réponse au 63-22, bonne chance tout le monde. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. 7h01 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à l'info maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous, la chasse aux bonnes affaires bonne est lancée. Non, c'est fini. Ah, je suis très déçu. On peut pas faire ton cul tous les jours. Hein. Non, mais je pensais que c'était tout le mois de janvier. Bah oui, je pensais. Bon, la chasse aux bonnes affaires est lancée. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. L'hiver a été très doux, on en parle déjà pas mal. Il reste donc beaucoup de stocks dans les magasins. Les consommateurs peuvent donc s'attendre à des rabais de 30 à 70% selon Comeo, la Fédération du commerce et des services. Et puis les plaisirs d'hiver ont résisté à la crise. Le grand marché de Noël au cœur de Bruxelles a connu un nouveau succès avec environ 1,5 million de visiteurs. Seul bémol, les températures une fois de plus particulières. Douce durant le mois de décembre qui a entraîné une baisse des ventes sur les produits typiquement hivernaux comme le vin chaud, les écharpes ou les bonnets. Le corps mutilé d'une femme a été retrouvé dans son appartement à Binge selon Sud Presse. La police locale a été appelée hier après-midi sur place. Le corps sans vie d'Isabelle Paternoster a été découvert gisant dans son sang, horriblement mutilé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les blessures ont été provoquées par un objet contondant. Le compagnon de la victime aurait affirmé avoir retrouvé le corps dans cet état, manifestement sous l'emprise de la boisson et ou de stupéfiants. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années a été placé en cellule de dégrisement. Le jeune homme de 18 ans à l'origine d'une collision entre deux voitures qui a coûté la vie à une jeune fille la nuit du réveillon à Liège a été inculpé d'homicide involontaire et de coups et blessures. Pour rappel, il roulait à grande vitesse et il avait brûlé un feu rouge. Il avait bu, mais de manière modérée. Son permis de conduire délivré il y a à peine quelques mois lui a été retiré. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal de police. Nos centrales nucléaires belges sont suffisamment robustes pour faire face à des événements extrêmes comme des tremblements de terre ou des inondations. C'est la conclusion du rapport final par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sur les fameux stress tests lancés dans la foulée de la catastrophe de Fukushima. Certaines améliorations devront cependant encore être apportées. Comme à Tihange par exemple, il faudra mieux isoler tout le site du danger d'inondation. Et puis à l'étranger, près de 15 millions d'Égyptiens sont appelés appelé à voter aujourd'hui pour leurs députés dans le dernier tiers du pays, un scrutin dominé de manière écrasante par les formations islamistes. Et puis enfin en sport, Yelena Wickmeyer commence bien l'année 2010 au tournoi d'Auckland. La 26e mondiale a battu la Tchèque Karolina Pliskova au deuxième tour. Wickmeyer sera opposée à l'Italienne Sarah Errani. 7h04 sur Fun, c'est la météo maintenant. Prudence, ça va souffler pas mal aujourd'hui avec des rafales allant de 90 km/h en Gaume jusqu'à 110 km/h entre les Flandres et Anvers. La pluie va tout doucement arriver sur le pays et puis les éclaircies reviendront normalement demain. Donc ça c'est un petit peu la bonne nouvelle. Aujourd'hui, côté température, il fait un petit peu plus frais, de 4 à 11 degrés. Eh ben, très bien, dans un instant c'est l'info en plus et je vous expliquerai comment faire pour vous faire rembourser vos factures. Ça arrive dans un instant dans 30 secondes sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Et comment vous faire rembourser vos factures, justement? C'est très simple, il suffit de vous inscrire au 6322, vous débutez votre message par facture, avec le montant et l'objet de la facture, et puis ben nous, on vous rappelle, tout simplement, pour vous rembourser vos factures. Facture de Nouvel An, par exemple, facture également des soldes à partir d'aujourd'hui, on sait jamais, tiens, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance d'avance. Bon, à 7h05, quelle est l'info en plus? Eh bien, demain, c'est-à-dire dans le futur, votre voiture identifiera vos fesses. Ah bon, c'est bien ça. Alors en fait, ça va être la... Mais il faut y aller cul nu alors ou... Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc il y avait aussi l'empreinte pour faire démarrer la voiture, ce genre de choses. Maintenant, ça se passera tout par les fesses en fait, puisque au moment où on va s'asseoir, il y a une technologie qui va repérer si c'est bien les fesses du propriétaire du véhicule. C'est alors ça, comment ça va faire... vous avez grossi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors comment ça... Alors ce sont des chercheurs. Comment ça marche? Ce sont des chercheurs à Tokyo qui développent le système. Et alors le mode de fonctionnement, il y a 360 capteurs qui mesurent la pression en fait de. Au moment où tu t'assois sur ton siège. Alors les capteurs créent une image en 3D, une sorte d'image de nos fesses. Et donc du coup chacun a sa propre image de fesses forcément. Et puis si l'image correspond à nos fesses, la voiture pourra démarrer. Et si tu lâches une caisse, elle réagit, la voiture? Oui, elle fera. Probablement. Vous avez bouffé des flageolets aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. Peut-être. Méfiez-vous aujourd'hui parce que sent pas bon. Hein. La voiture qui démarre grâce à nos fesses, c'est pour demain. Bah, c'est original en tout cas. Hein. Mais après, on voit après. Hein, c'est pour demain, problème, ils vont la garer devant la radio. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Toff. Bon, et dans un instant, je vous rembourse vos factures. 7h06 sur Fun, c'est Rihanna qu'on écoute maintenant avec Calvin Harris et We Found Love. 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture pour qu'on vous appelle dans 2 minutes. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. 7h09 sur Fun Radio et David Guetta arrive dans un instant avec Usher, ce sera Without You. Puis je vous rappelle que si vous voulez jouer avec nous d'ici quelques instants pour gagner des iPod Shuffle, notamment si vous voulez jouer avec nous à ce grand jeu que nous avons lancé hier, serez-vous plus intelligent qu'une Miss? Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire, vous envoyez Miss, M-I-S-S au 6322, on vous appelle dans un instant pour jouer avec nous. Dans moins de 10 minutes, serez-vous plus intelligent qu'une Miss? 5 questions, il faut répondre à des questions de Miss, tout simplement. Donc bonne chance tout le monde, 6322, code Miss avec votre numéro de téléphone tout simplement et on vous appelle dans un instant. Avant cela, nous allons appeler maintenant pour rembourser une facture. Vous êtes inscrit au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture et c'est parti maintenant, on appelle et on va tenter de rembourser une facture si ça décroche du moins. Et qu'on répond bien à la question. On va rembourser un socle d'aquarium. Ah, ça c'est vraiment... Oui. Bonjour, n'est-ce pas ? Vous êtes en contact avec la boîte à messages de... Bah, c'est dommage. Tu vas rien rembourser du tout en fait. 9. Non, là je vais rien rembourser du tout, c'est dommage. J'ai l'impression qu'à 7h, cette nouvelle année, il y a de moins en moins de monde debout. Tu vois, j'en dors. À 7h10, les gens dorment toujours. C'est dingue ça. Pour terminer, il suffit de raccrocher. Au revoir, merci. Eh bien, je t'en prie. Allô, bonjour, c'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Fun Radio. Je t'appelais pour te rembourser ta facture ce mardi 3 janvier à 7h10 pétante, car tu t'étais inscrit pour qu'on te rembourse ta facture. Malheureusement, tu n'as pas décroché, c'est bien dommage pour toi, puisque du coup, on ne te remboursera pas ta facture de l'aquarium à combien? À 78 euros quand même, hein, je pense, hein, quand même. Oui, c'était pas donné. Oui, c'est cher, pour tant pis. Bah oui, pour plusieurs peut-être. Ouais, bon, pour un truc qui va finir c'est dans pas grave. Assiette. En tout cas, tu retentes ta chance quand tu veux, il n'y a pas de problème. Passe une bonne journée, bonne année à toi, et puis pour les autres, eh bien, vous savez comment ça se passe. Du coup, comme ça n'a pas décroché maintenant, eh bien, vous pouvez vous inscrire jusqu'à 8h10. On ne sélectionnera que ceux qui se seront inscrits entre 7h10 et 8h10. Bonne chance tout le monde au 6322. Code facture, tout simplement. Et dans un instant sur Fun Radio, eh ben, on va jouer au jeu des Miss, évidemment. Hein. Et puis on va écouter aussi, comme promis, le son de David Guetta qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Ce sera avec Usher, ce sera Without You sur Fun Radio. Bonne matinée. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, je dors pas, il est relou. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h15. Bon réveil si vous sortez du lit. Bon courage si vous allez sur les routes. Même si pour l'instant, a priori, il se passe pas grand chose sur les routes. Mais tenez-nous au courant, cela dit. Si vous êtes dans un bouchon, bah ouais, si vous êtes dans un bouchon ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, bien sûr, à nous donner toutes les infos au 3044. Avant de parler de RTL TV, qui fait encore l'émission, évidemment, nous avons Geoffrey pour la devinette qui colle. Non, pour les Miss. Ah, mais c'est intelligent parce que les Miss, c'est après, par contre. Et la devinette qui colle, c'est maintenant. Ah bah, okay, bah prends quelqu'un alors, comme ça on fait ça juste après le temps de, bon bah justement pour le coup, de faire Total Blackout, puisque hier soir il y avait un nouveau jeu sur RTL, c'était 60 secondes chrono en remplacement justement de Total Blackout, qui n'aura quand même fait que deux numéros, hein, dont une spéciale la semaine dernière avec des VIP et avec entre autres July Tatton et Stefan Van Bellingen. Ça faisait vachement plus sympa comme ça, non? Ouais, on a l'impression que c'est des stars internationales. Total et tout. Blackout, tu vois. On croit que c'est Lady Gaga qui fait le générique et tout. Non, c'est ça. Donc, il présente, cela dit, lui, entre autres, la météo. Alors, écoutez bien, justement, pour ceux qui avaient raté. Acteur, un petit indice peut-être? Ah, ouais, non, mais pourquoi ça? Réalisateur, je ne sais pas. Ah bah donc, pourquoi il s'est passé ça? Dis donc, c'est pas ça qu'il fallait mettre. C'est les sons d'hier, ça. Bah oui, je me doute bien que c'est les sons d'hier. Merci, Toff. Je t'en prie, si je peux te rendre service. Bah ouais, écoute, il est pas là, ton son, Coco, là. Regarde, il y a rien, là. C'est celui-là que tu voulais mettre? Putain, oui, il le montre. Bon, allez, j'y vais, Steph. Allez, courage. J'y vais. Vas-y. J'y vais, j'ai pas peur. Vas-y, t'as pas peur, vas-y, t'as même pas peur, toi. T'as pas peur, Julie, t'as pas peur, on y va. On y va. Oui, j'ai pas peur. On y va. Je sais pas ce que c'est. On y va. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Je sens rien, rien que des copeaux. On y va. Je sais pas ce que c'est. On y va, je sais pas. Mais c'est où? On y va, Juju, allez, vas-y. Courage, vas-y. Mais ça bouge. Et oui, ta. Et voilà. Et tout ce cinéma pour rien, puisque en fait, il y avait rien en fait en main. Hein. Mais bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez. Attends, tout ce sketch, ils n'avaient rien en main. Il n'y avait rien dans la main. Mais heureusement pour Julie, Stéphane était là pour la rassurer et lui montrer que lui. C'est un homme, un vrai. C'est pas ce que tu crois. Hein, Stéphane, si tu nous écoutes, prends des cachetons la prochaine fois parce que. Mais moi, je l'ai rencontré. En plus, c'est un mec qui a l'air hyper classe. Ah oui, et tout, oui. Hyper, tu sais, vraiment sûr de lui, quoi. Bah ouais, mais écoute, là, si tu veux, le stress. Hein. Bon, enfin, cela dit, on se moque d'eux, mais il y a deux semaines, avec les vrais participants, c'était pas non plus très brillant. Souvenez-vous de ça. Lâchez le prince. S'il vous plaît. Lâchez le prince. Je dois lâcher le prince. La marionnette. Lâchez la marionnette. J'ai rien compris. Enfin, il est con, en fait. Voilà, même Zeka il en pouvait plus, hein. C'est-à-dire qu'il a failli lui mettre une patate aussi, hein. Putain, oui, il le montre. Bon, allez, j'y vais, Steph. Allez, courage. Allez, courage, vas-y. Mais ça bouge. Sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Allez, dans un instant, on donne la réponse à la devinette qui colle. On jouera également au jeu des Miss. Ça va débarquer, ça, juste après. Le son de Nelly maintenant, c'est Hot in Here sur Fun Radio, bon réveil. Dans un instant sur Fun Radio, il y a Licky Lee qui va débarquer. Licky Lee avec I Follow River, son que vous aviez découvert sur Fun Radio il y a quelques semaines, quelques mois même de cela. Et puis dans un instant aussi, la réponse à la devinette qui colle. Devinette qui colle que je peux vous rappeler, tiens, une petite fois, une petite dernière même. Petite devinette qui colle, c'est la suivante. Elles avancent au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas. Montage mouvant et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra. Qui sont-elles? Il y en a à la mer, il y en a dans le désert également. Et j'avais dit que c'était à une lettre près, la même orthographe que le satellite de la Terre. Il y a quand même des gens qui ont proposé les étoiles. Malheureusement. Ouais, mais qui ne t'entraîne à rien, tu vois. Un peu, oui. Sur un malentendu, ça peut toujours. C'est vrai. Non, c'est pas Hubble non plus. Ah, bon, voilà, c'est les étoiles. Non, c'est pas ça. C'est pas le sable non plus, François-Xavier. Bon, nous avons avec nous maintenant Geoffrey qui est là. Salut Geoffrey, pour jouer avec nous au jeu des Miss. Ça va, les gars, la forme. Ça va, cette équipe. Eh ben, écoute, ça va plutôt bien, Geoffrey. T'as la patate qu'il a. T'as la patate. T'as la pêche, toi. C'est bien, c'est pas mal. Ça va, ça va. Bon. Ouais, t'inquiète, il est là. Bah ouais, Geoffrey, tu fais quoi dans la vie, dis-moi. Je travaille dans un hôpital. Dans un hôpital, d'accord, ok, très bien. C'est pour ça il a accès à des stupéfiants. Mais oui, c'est ça. Ouais. Bon, ouais, pharmacie. Alors, Geoffrey, tu as 26 ans, t'appelles de Liège. Ouais. Bon, très bien. Ouais. Alors, attention, 26 ans à Liège, Geoffrey, nous allons jouer maintenant au jeu des Miss. Est-ce que tu penses être plus intelligent qu'une Miss? Je peux pas dire, on verra à la fin, quoi. Ouais, tu peux dire, ouais, tu prends pas de risque, quoi. C'est bien, il est prudent. Voilà, non, parce que hier, à la majorité des questions, c'était ça comme réponse. Voilà, ça c'était la majorité des réponses. C'est Ophélie. Et ouais, c'était Ophélie, exactement. Mais qui est très très charmante. Hein, oui, c'est vrai. Ah bah, elles sont toutes très très jolies, elles sont quand même là pour être Miss Belgique. C'est vrai. Oui, Ophélie, un truc à dire? Très bien. Bon, écoute, merci Ophélie. Hein, tu n'hésites pas à revenir quand tu veux. Tu es chez toi ici, bien sûr. C'est Julie qu'on est maître ici, il faut le savoir. Hein. Ah, elle a toujours son mode, n'est-ce pas Ophélie? Très bien. Bon, alors, Geoffrey. Oui. Attention, salut. Nous allons jouer maintenant, c'est parti. La pression monte. Tu vas pouvoir repartir avec les cadeaux. Là, c'est de je sais pas, c'est musique, on vient en trouver une, on en trouver une. Voilà, alors attention, dès que tu donnes une bonne réponse, forcément tu prends un point. Il faut arriver à faire 5 sur 5, c'est normal, puisque c'est des questions relativement simples, puisque le but étant est d'être plus intelligent qu'une Miss. Attention, es-tu prêt? Ça va, ok, c'est parti. Allez, c'est parti. Qui est l'auteur de Kuik et Flupke? Alors là, dis au hasard, on sait jamais. Il est très connu. RG, oui, bonne réponse. Eh oui, pas mal. Quelle est la devise de la Belgique? Me dis pas le franc belge. Hein. Pour tous, tous pour un. Voilà, malheureusement, ça commence très mal. C'est l'union fait la force, pas grave. Pour le sport, on va continuer. Qui est surnommé les muscles de Bruxelles? Madame. Eh oui, Jean-Claude Van Damme, bonne réponse. Ouais, c'était tough. Ouais, c'est ça, ouais. Non, moi je suis le beat de Bruxelles. Ouais, ouais, ouais. Qui a écrit le manifeste du Parti communiste à Bruxelles? C'est pas. Alors, politique. Ouais, enfin bon, c'est le manifeste du Parti communiste. Ouais. Tu vois pas, ça commence par K et c'est KM les initiales. Communiste. Oui, Karl Marx, bravo. Ah, il l'a dit non, au fond. Je hein. Pas dire, je suis pas si, mais... si, tu l'as dit au fond, je l'ai entendu dans le fond, là, non? Je l'ai dit, mais dans ma pensée. Ah oui, non, mais voilà, il me semblait bien que je l'avais entendu dans le fond, là. Bon, et enfin, à quelle date, jour et mois, Léopold Ier a-t-il prêté serment? C'est facile, t'as congé tous les ans, cette date-là. Le 21... Oh. Oui. 21 juillet. Oui. Oui, bravo. Eh oui, c'est pas mal. Quelle année, tu sais pas, non, par hasard? L'année... Je doute que je sois né déjà, mais bon. Ah oui, ça je te confirme. Hein. Tu vois pas? Non, là. Bon, allez, 1831, allez, on va valider quand même. Attention, parce que je tiens à faire partager cette phrase que vous n'avez pas entendue de Sandro, notre stagiaire. Quand tu as demandé en quelle année, il répond bah, chaque année. Et oui, Léopold Ier prête serment chaque année, Sandro, notre stagiaire. Quelle bonne réponse. Il est là, bien sûr. Bon, Geoffrey, on va te filer deux places de ciné puisque tu n'as pas répondu à toutes les questions, mais tu as quand même fait 4 sur 5, c'est beau. Enfin, 3 en vrai, en fait. Hein. Bon, bah, Geoffrey, passe une bonne journée et puis passe une bonne année également. Hein. Merci à vous aussi. Mais je t'en prie, à bientôt. Salut Geoffrey. Ciao. Bon, bah voilà, si vous comme voulez. Quoi, elles sont pas si bêtes que ça, les Miss. Bah oui, comme quoi, finalement, ça va encore. Hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore là? T'as encore un truc à dire, Ophélie? Très bien. Allez, merci Ophélie, hein. Tu es toujours au taquet, bien sûr. 7h30 sur Fun Radio, bonne matinée avec nous. Dans un instant, l'info de Julie va débarquer. Il y aura aussi le son de Mister You avec le colonel Riel. Ce sera Mets-toi à l'aise sur Fun Radio. Et puis nous allons prendre Sophie qui est avec nous maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour, comment ça va Sophie? Ça va très bien. Ça va très bien, et eh bien écoute, tant mieux, sois la bienvenue sur Fun Radio Sophie. Tu es là car, déjà t'appelles de la Louvière, t'as 27 ans, et tu es là car tu as participé, tu avais la bonne réponse à la petite devinette qui colle, ce qui te permettra donc de repartir avec, peut-être avec un iPod Shuffle, la couleur de ton choix. Je te répète la question, elle avance au gré du vent, recouvrant tout, même nos pas, montage mouvante, et pourtant tombeau de l'imprudent qui s'y perdra, qui sont-elles? Les dunes. Eh ben oui, les dunes. C'est une bonne réponse. Bravo à toi, Sophie. Alors, tu as gagné l'iPod Shuffle. Tu veux lequel ? Le gris, le bleu, le vert, l'orange ou le rose ? Le gris. Le gris, eh ben écoute, il y a pas de problème. Enfin, il est gris et noir. Il y a pas de problème. On va t'envoyer très rapidement, Sophie. Je te fais des gros bisous. Oui, merci. Mais je t'en prie. À bientôt, oui. Sophie. À bientôt. Oui, bye bye. Bye. Bon bah voilà, nouvelle devinette qui colle. C'est dans un instant sur Fun Radio. Mais avant cela, eh bien on va se faire l'info. Voyons. On s'annonce aussi Mister You et Colonel Raya qui arrivent. Ça, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio et l'info de Julie. C'est parti maintenant à 7h31 du coup. Comment ça va, Julie, en pleine forme ? Ça va, en pleine forme, bien sûr. C'est un bon gros rhume, comme d'habitude. Bah oui, bah c'est parti pour l'info, alors. Bon, allez, on y va. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est au cœur d'une polémique. Une étude canadienne conteste l'efficacité de ces vaccins et pointe du doigt le risque d'effets secondaires graves. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Soir. Pour rappel, 26 000 jeunes filles inscrites en deuxième année du secondaire en Wallonie et à Bruxelles se sont vues proposer la vaccination contre certaines souches du virus HPV responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Le corps mutilé d'une femme a été trouvé dans son appartement à Binche hier après-midi. Le corps sans vie d'Isabelle Paternoster a été découvert gisant dans son sang, horriblement mutilé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les blessures ont été provoquées par un objet contondant. Le compagnon de la victime aurait affirmé avoir retrouvé le corps dans cet état, manifestement sous l'emprise de la boisson et ou de stupéfiants. L'homme âgé d'une cinquantaine d'années a été placé en cellule de dégrisement. Nos centrales nucléaires belges sont suffisamment robustes pour faire face à des événements extrêmes comme des tremblements de terre ou des inondations. C'est la conclusion du rapport final par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sur les fameux stress tests lancés dans la foulée de la catastrophe de Fukushima. Certaines améliorations devront encore être apportées. Par exemple, à Tihange, il faudra mieux isoler tout le site du danger d'inondation. La chasse aux bonnes affaires est lancée. Les soldes d'hiver commencent. Aujourd'hui, l'hiver a été très doux. Il reste donc pas mal de stock dans les magasins. Les consommateurs peuvent donc s'attendre à des rabais de moins 30 à moins 70% selon Comeos, la Fédération du commerce et des services. Et puis les plaisirs d'hiver ont résisté à la crise. Le grand marché de Noël au cœur de Bruxelles a connu un nouveau succès avec environ 1,5 million de visiteurs. À l'étranger, près de 15 millions d'Égyptiens sont appelés à voter aujourd'hui pour leurs députés dans le dernier tiers du pays. Un scrutin dominé de manière écrasante par les formations islamiste. Cette élection est la première depuis la chute du président Hosni Moubarak en février dernier. Puis au Sénégal, le chanteur vedette Youssou N'Dour a annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de février. Puis enfin, en sport tennis, Yanina Wickmayer commence bien l'année 2012 au tournoi d'Auckland. La 26e mondiale a battu la Tchèque Karolina Pliskova. 7h33 sur Fun, Mister You arrive avec le colonel Rayel. Ce sera Mets-toi à l'aise. Et puis c'est la météo maintenant avec July toujours. Prudence, ça va souffler pas mal aujourd'hui avec des rafales allant de 90 km/h en Gaume jusqu'à 110 km/h entre les Flandres et Anvers. La pluie va revenir aussi, va nous arroser toute la journée. Les températures sont un petit peu plus fraîches, de 4 à 11 degrés. Bonne nouvelle, demain, c'est l'accalmie. Normalement, il y a un petit peu de soleil. C'est déjà ça de prix. 7h34 et l'info en plus maintenant. C'est quoi l'info en plus ? Eh bien, l'info en plus, c'est que Facebook, bon alors ça c'est le tout réseau monde connaît, voilà. Social, 800 millions de membres quand même, c'est énorme. Ophélie, elle connaît ? Comment tu dis ? J'ai pas compris. Je me demandais si Ophélie, elle connaissait. Ah, Ophélie, je sais pas, Ophélie, qu'est-ce que t'en penses ? Ce réseau social, on en parle souvent parce qu'on critique souvent l'intimité, etc. Que on peut accéder à beaucoup d'infos et qu'il faut super protéger, que c'est pas facile, etc. En tout cas, il y a une étude qui a été faite en Angleterre, ouais. Et qui vient de confirmer le potentiel dévastateur de Facebook, qui est un briseur de ménage. Ah oui, mais ça c'est clair. Eh bien oui, selon le site Divorce Online, Facebook est cité comme un élément à charge dans près de 33% des divorces en Grande-Bretagne. Ah oui, quand même. Donc en fait, il y en a quand même dans 33% des cas qui viennent en disant mon mec ou ma femme a été dire ça à telle personne sur Facebook, etc. Donc on va chercher les preuves sur Facebook d'adultère ou je ne sais pas quelle autre chose. Dans 33% des cas, c'était 20% en 2009. Ah oui, On ne sait pas jusqu'où on peut arriver. Bah, à mon avis, 100. On verra en tout cas. Bon, 7h35 sur Fun. Dans un instant, nous allons jouer aussi encore un nouveau jeu. C'est le Ni Oui Ni Non, Ni. Vous verrez bien. Donc, si vous voulez jouer avec nous, vous envoyez oui tout simplement au 6322. Là aussi, des iPod Shuffle sont à gagner dans un instant. Le Ni Oui Ni Non, Ni. Vous verrez bien. C'est à gagner maintenant. C'est à jouer maintenant. Il y a inscription maintenant. 6322. Vous débutez votre message par oui avec votre numéro de téléphone et on vous rappelle. Michael. Dans un instant, le temps d'écouter Mister You maintenant. Et le colonel Rayel, c'est Métoilet sur Fun Radio. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Avicii qui arrivera avec Levels. Et puis nous aurons également l'occasion de faire un petit point rapide sur l'infotrafic avec Julie dans un petit instant. Mais nous avons avant cela, nous avons Stéphanie qui est avec nous de Liège, 28 ans. Salut Steph. Oui, salut. Comment vas-tu Stéphanie? Ben ça va bien toi? Ben ça va bien, tu appelles pour gagner l'iPod Shuffle? Oui. Et tu appelles pour jouer d'abord au ni oui ni non ni. Tu verras bien dans un instant. Le concept relativement simple. Stéphanie, 28 ans de Liège, tu vas donc appeler quelqu'un. C'est qui qu'on va appeler en l'occurrence? On va tenter avec ma maman. D'accord. Et donc tu ne peux ni lui dire oui, ni lui dire non, ni lui dire tu vois. Voilà. D'accord. D'après l'op, qui est liégeois, c'est une expression qu'on utilise couramment à Liège. Donc du coup, voilà. Donc si tu dis un de ces trois mots en l'espace d'une minute, tu perds. Si tu ne les dis pas, bien évidemment, tu ne perds pas. Et bien évidemment, ta mère ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'elle peut pas dire, sa mère? Juste un mot. Rien. Elle dit ce qu'elle veut, sa mère. Elle dit ce qu'elle veut. Mais je pensais qu'on pouvait compliquer un petit peu la tâche. Mais le mec, ça y est, il commence à changer les règles. Non, mais je voulais compliquer un peu la tâche. Bon, ben tant pis. D'accord, ok. Bon, Stéphanie, ta mère ne peut dire ni oui, ni non, ni tu vois. Ok. On y va, on l'appelle? Ok, j'espère qu'elle va comprendre, on l'appelle. Ah bah c'est pas, tu lui dis pas que t'es à la radio, hein. Donc tu lui fais comme une conversation normale. Parfait, allez c'est parti, on y va, bonne chance. Ah. Petite minute. T'as du mal ce matin toi hein? Non, je suis en bonne forme, j'ai aucun problème. C'est plutôt elle qui a du mal hein. Oui, allô. Allô. Oui, allô. Allô. Allô. Oui, bonjour. Maman. Je reconnais pas sa fille. Allô. Ah, dans la merde. Maman, c'est moi. Allô. Oui. Stéphanie. Ben c'est moi. Ben oui, comment tu vas? Très bien, pourquoi? Et toi, quelle veux? Ben, c'est pour voir ce que tu fais. Ben je travaille, que veux-tu que je fasse? Ben moi je vais partir travailler après, donc ben voilà, ben c'est bien. C'est bien quoi que j'ai fait. Ah ben ça va. Ben on n'a pas fait grand chose, donc ça va. Ah ben ça va, ben très bien. Ça va? Et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Je ne sais pas du tout. Des pâtes, sûrement. À la bolognaise. Pourquoi pas? Ça va? Pourquoi? D'accord. Ok, ça me va. Hein? Ça va bien? D'accord. Prête pour les commentaires? Non. Ça va finir. Allez, c'est bon. Elle a pas beaucoup parlé. Hein. Elle a pas beaucoup parlé. C'est vrai que j'avais oublié de préciser qu'il fallait faire une conversation normale. Bonjour maman, c'est Mickaël. Vous êtes en direct à la radio sur Fun Radio. Comment ça va? Très bien, merci. Ah bon, ben bah, bienvenue. Oh, ben ça va maman, ça va alors. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'hésitations de Steph. Ouais, quand même. C'est vrai. Non, mais c'est parce que voilà, tu vois, je devais confirmer un peu la règle. Mais oui, mais c'est pas grave. Demain, ce sera une conversation normale, bien évidemment, sans des mots un peu bizarres. Mais bon, il y a pas de problème, Stéphanie. Bravo à toi pour l'iPod Shuffle. On va te l'offrir et puis maman repart les mains vides. Il y a pas de problème. Mais voilà, je t'en prie, il y a pas de problème. Sinon, il y a l'homme qui me demandait si Stéphanie était célibataire. Ouais, mais elle est un peu trop vieille pour être sa mère, donc il faut mieux qu'elle arrête. Bon, Stéphanie, je te fais des gros bisous. Je te renvoie chez l'homme. Tu vas choisir ton iPod Shuffle. Tu veux quelle couleur? Un bleu. Ah bah c'est parti. Allez hop là, Stéphanie, gros bisous et bonne année. Merci, bonne année. Ciao, et on écoute Avicii maintenant sur Fun, c'est Levels. 7h44 sur Fun Radio, le son d'Avicii à l'instant avec Levels. Et que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien, soyez prudents. Objet encombrant sur la N97 à hauteur de Dinan en direction de Ciney. C'est la bande de gauche qui est obstruée. Et puis, perte de chargement sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wautier-Bren. Une bande est obstruée. C'est plus ou moins kilomètre 73 et c'est obstrué par une planche. Ah ouais? Soyez très prudents. Bah oui, bah faites attention, effectivement. Oui. Bon, et bah voilà, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, vous nous dites hein, tout simplement en envoyant votre message au 3044. C'est 50 centimes le message. Et j'ai toujours des iPod Shuffle à vous filer si vous avez la bonne réponse à la petite devinette qui colle. Maintenant, écoutez bien, sur une table, on peut y jouer, sur un terrain, le pratiquer, devant un mur, s'y entraîner, dans des chaussures fortes appréciées justement. Qui est-il? C'est un sport que nous cherchons. Voilà, bonne chance tout le monde, je vous donnerai d'autres indices tout à l'heure. Un sport relativement connu qui n'est pas le football, juste avant, en règle générale, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? La pétanque. Non, pas du tout. La bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message et des iPod Shuffle a gagné, bonne chance. Et dans un instant sur Fun Radio, Laurent Wery avec On est obligé d'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Captain Igloo est mort. Ah bah on en parle après. Mickaël, à la radio. Pas arrêter, c'est lancé. Reviens juste après ça. Fun Radio. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, 8h-10. Dans un instant, on appellera encore des gens pour souhaiter la bonne année, bien évidemment, car nous sommes le 3 janvier. Encore largement le temps de souhaiter la bonne année, justement. On a dans l'absolu jusqu'à la fin du mois. Voilà, donc on est tranquille. Donc on appellera, en fait. Et c'est ça. On avait appelé Asprimon, ça s'était pas trop bien passé, non. Pas trop mal non plus, cela dit, mais bon. Et là, c'est l'heure de la ligne anti-relou, évidemment. On voulait appeler la police quand même. Hein. Oui, c'est vrai, à la fin. Ouais. Donc au niveau de bien, on est quand même loin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, avant d'écouter Laurent Wery, la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. Allô, bonjour Imad, c'est ton patron à l'appareil. C'était pour te dire que demain, c'était plus la peine de venir, toi et ton pot de vaseline. Merci, au revoir. Ah oui, mais enfin, de toute façon, ouais, mais a priori, s'il a ce numéro-là, je pense qu'il n'avait pas prévu de ne pas revenir, de toute façon, le mec. Hein. Je pense qu'il avait. C'est le mec qui est venu se faire sa période d'essai et il a fait ouais, non, c'est bon, vas-y, ouais. Je me casse. Ouais, tu peux m'appeler 0473-86-0013. À demain, boss, hein, ciao. Allez, deuxième message. Bonjour, je vais te parler, mais c'est mieux. Si tu descends, on va casser quelque chose. Mais je sais pas, moi j'ai ton numéro. Je m'appelle Nasser. Et quand tu peux, tu m'appelles. Comme ça, on sort, on va en café, on parle. Oui. Ok ? Oui. Bonne chance. Merci. Oui, bah non, rien, y a pas de problème. Bon, bizarre, celui-là. Ça donne envie. Ah, grave. Et enfin, dernier message pour cette heure-ci. Salut, j'y vais. Ça va, mon cœur ? Tu vas bien ? Je m'en viens, hein. Avec Fantasie et Gilly. Tu vois? Ok? Ils se sentent. Can you call me, please? Ouais. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Ce n'est pas gagné, moi je vous le dis directement. Bon, la ligne anti-relou revient évidemment dans moins d'une heure. Et puis, les iPod Shuffle à gagner maintenant avec la devinette qui colle. iPod Shuffle qu'on file toute la semaine. Écoutez bien la devinette qui colle. Sur une table, on peut y jouer, car ce sport est de table également. Sur un terrain, le pratiquer, car ce sport peut également se pratiquer sur un terrain. Devant un mur, s'y entraîner, car on peut également s'entraîner devant un mur pour jouer seul. Et également, ça s'appelle comme ça pour des chaussures, dans des chaussures fortes appréciées. Justement, qui est-il ? Voilà, on proposait le basketball. Non, pas du tout. Voilà, ça se joue bien avec une balle, mais pas la même. Et si vous avez la bonne réponse, elle est toute petite. Voilà, enfin par rapport au basket en tout cas. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance tout le monde. Hein. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore comme indice ? Moi, j'en sais rien. Moi. Bon, non, t'as déjà donné pas c'est mal. C'est tout, hein, c'est pas mal. C'est hein. Bon, bah oui, attends. Voilà, c'est bon. Oui, plus tu donnes la réponse. Ouais, je pense que plus je donne la réponse. On peut s'arrêter là. Yannick Noah. Voilà. Ah, l'ambiance de la brousse ? Non, pas du tout. Ah. La bonne réponse, qu'est-ce qu'il a, Sandro le stagiaire ? Oui ? Je pense que c'est du golf. Non ? Tu tapes la balle contre le mur. Merci, Sandro. Ok, merci. Attends, tu peux aller chez Julie, elle va te frapper. Okay, viens ici. Voilà, tu peux y aller. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Ophélie ? Très bien. Ah voilà, mais t'auras pu faire plus fort. Hein. N'hésite pas la prochaine fois. Minuscule, attends. Allez, Laurent Wery sur Fun Radio, bonne matinée. C'est Fun Radio dans un instant, c'est Katy Perry qui arrivera, The One That Got Away. Bienvenue tout le monde, il est 7h55, l'info de Julie va débarquer aussi d'ici quelques instants. On remboursera vos factures, mais ça ce sera un petit peu plus tard, dans un petit quart d'heure. Hein, 6322 code facture pour vous inscrire, allez-y. Et puis nous allons maintenant justement appeler des gens pour leur souhaiter la bonne année. On essaye depuis hier on se fait raccrocher ou insulter. C'est scandaleux. Voilà. Moi donc, je trouve ça honteux, moi oui. J'appelle les gens avec tout mon amour. C'est vrai, c'est pour vrai. Pour leur souhaiter une bonne année, voilà comment je suis traité. Bon, on va téléphoner à Rouvreux. D'accord, je sais pas où c'est, mais d'accord. Non, bah moi non plus, mais enfin c'est pas grave, on va découvrir. Allez hop, direction Rouvreux maintenant pour voir s'ils sont aussi agréables qu'Asprimon. Allez hop, c'est parti, on y va en appel. Allô ? Oui, bonjour madame. Allô ? Oui, bonjour madame. Quelle voix ? Oui ? Oui, voilà, je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Bah ça me va pas, non ? Bah si, et vous ? Oui. Que... Eh ben voilà, on s'est fait raccrocher. Ça y est, fort, non, ça va pas bien. À Rouvreux, ils sont pas aussi au top. Non, ils sont pas au ça ne va pas bien. Bon, hey. On rappelle à Rouvreux. Allez hop, c'est parti. Rouvreux. Ah. Allô. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour. Je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Merci. Bah oui. Ah, bon, bah Rouvreux, ça va toujours pas bien. Des gens sympas, bon, des gens ouverts. Oui, bon, on va rappeler Rouvreux, hein, une petite dernière. Allez, c'est pour moi, c'est moi qui régale. C'est parti, on y va, on appelle. Bah voilà, comme ça c'est fait, hein. Hop là. J'ai beaucoup aimé le cinglé. Ouais, voilà. Allez, hop là. Ah oui, je l'ai pas entendu le cinglé. Si, si, si. Ah, il a dit cinglé ? Ouais, elle dit cinglé. Ouais. Ah, d'accord, ok. Bon, bah voilà, comme ça c'est fait. Rouvreux, donc c'est comme Asprimont. Hein. Ils sont d'aussi bonne humeur à 7h57. Et bah c'est pas grave. On revient dans un instant et on écoute Katy Perry maintenant. The One That Got Away sur Fun. Bonne matinée. Katy Perry à l'instant sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec votre iPod Shuffle dans un instant. Sur une table, on peut y jouer. Sur un terrain, on peut le pratiquer devant un mur, on peut s'y entraîner seul en l'occurrence, même si d'habitude ça se joue à 2 ou à 4, dans des chaussures fort appréciées également, car ces chaussures ont le même nom que le sport qu'on cherche. Voilà. Si vous avez un indice. Ah, vas-y. Jokari. Jokari. Je préférais Yannick Noah quand même. Oui, mais enfin, Yannick Noah, voilà, moi je rajoute un indice parmi les indices. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je sais pas. Yaoundé. D'accord. Bon, moi, si vous avez dans les prénoms bizarres. Si vous avez la bonne réponse, ce n'est pas le ping-pong. Ça se rapproche, mais en version. Ça, c'est la version comme mini Europe. Minuscule. Tu vois. C'est un peu ça, tu vois. C'est tu joues, mais c'est un peu comme si tu allais visiter mini Europe, sauf qu'en fait, non. Voilà, c'est le même sport, mais en plus grand. Si vous avez la bonne réponse, il y a des iPod Shuffle à gagner. Bonne chance, tout le monde. Et puis restez bien avec nous, puisque dans un instant, on vous passera le son de Tayo Cruz avec Florida. Ce sera Hangover. Et l'info, tu lui arrives après ça. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's a morning time affair. Shut it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun radio. Yeah. Soyez les bienvenus sur Fun Radio, il est 8h01, c'est l'heure de passer à l'actu. Bonjour à tous, le taux d'alcoolémie bientôt peut-être à 0,2 g pour 1000. Le secrétaire d'État à la mobilité Melchior Wattley prépare un plan destiné à renforcer la sécurité routière dans le pays. Et la mesure la plus marquante porte sur un abaissement de 0,5 à 0,2 g pour 1000 du seuil limite d'alcoolémie autorisé pour prendre le volant. Melchior Wattley envisagerait aussi des mesures de sécurité complémentaires pour les conducteurs les plus âgés et soumettre ceci à un examen médical d'aptitude. Et puis le nombre de contrôles d'alcoolémie devrait augmenter. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est au cœur d'une polémique. Une étude canadienne conteste l'efficacité de ces vaccins et pointe du doigt le risque d'effets secondaires graves. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Soir. Pour rappel, 26 000 jeunes filles inscrites en deuxième année du secondaire en Wallonie et à Bruxelles se sont vues proposer la vaccination contre certaines souches du virus HPV responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Le corps mutilé d'une femme a été retrouvé dans son appartement à Binche hier après-midi. Le corps sans vie d'Isabelle Paternoster a été découvert gisant dans son sang, horriblement mutilé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les blessures ont été provoquées par un objet contondant. Le compagnon de la victime aurait affirmé avoir retrouvé le corps dans cet état, manifestement sous l'emprise de la boisson et ou de stupéfiants. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, a été placé en cellule de dégrisement. Nos centrales nucléaires belges sont suffisamment robustes pour faire face à des événements extrêmes comme des tremblements de terre ou des inondations. C'est la conclusion du rapport final par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sur les fameuses stress tests lancés dans la foulée de la catastrophe de Fukushima. Certaines améliorations devront encore être apportées. À Tihange, par exemple, il faudra mieux isoler tout le site du danger d'inondation. Et puis la chasse aux bonnes affaires est lancée. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. L'hiver a été très doux. Il reste donc pas mal de stocks dans les magasins. Les consommateurs peuvent donc s'attendre à des rabais allant de moins 30 à moins 70% selon Comeos, la Fédération du commerce et des services. Et puis à l'étranger, près de 15 millions d'Égyptiens sont appelés à voter aujourd'hui pour leur député dans le dernier tiers. Ça va encore. J'aurais pu faire pire. Elle est fatiguée aujourd'hui. Un scrutin dominé de manière écrasante par les formations islamistes. Et puis enfin, en sport, tennis, Jelena Wickmeyer commence bien l'année 2012 au tournoi d'Auckland. La 26e mondiale a battu la Tchèque Karolina Pliskova. Et restez bien chez nous car on va vous rembourser vos factures en direct dans un instant au 6322 code facture. Je vous explique comment faire dans moins d'une minute. Avant cela, petit point sur la météo. Prudence, ça va souffrir. souffler pas mal aujourd'hui avec des rafales allant de 90 à 110 km/h. La soirée sera à nouveau copieusement arrosée. Bah oui, la pluie fait déjà son retour. Bonne nouvelle, elle repart. Demain, normalement, ça devrait aller. Et puis aujourd'hui, côté température, un petit peu plus frais, de 4 à 11 degrés. Très bien, bah voilà, c'est une bonne nouvelle. Tiens, pour un mois de janvier, 11 degrés, c'est quand même pas mal. 8h04 et je vous explique comment faire pour vous faire rembourser vos factures dans 30 secondes sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Et on proposait le criquet pour la réponse, la devinette qui colle. Non, mais c'est. Non, bah non, c'est pas le criquet, voyons. Et un autre indice pas mal, Steph de Mons, à une lettre près, c'est celui de Toff qui mesure 2 cm. Bonne oh année. Ça c'est bon. Ah là là, c'est pas mal. Bonne année 2012 à toute l'équipe. Dur la reprise. J'ai mal aux cheveux. Toujours Steph de Mons. Bah merci Steph. Très bon indice. Bon allez, le remboursement de vos factures dans un instant sur Fun Radio. Si vous voulez vous faire rembourser votre facture, 6322 code facture. Maintenant, vous mettez le montant et l'objet de la facture et puis on vous appelle dans un instant pour vous rembourser cash. Comme par exemple là, qu'est-ce qu'il y avait? 40€ pour une recharge téléphone, 80€ pour un retard urgent. Merci et meilleurs vœux. 140€ pour des frais bancaires. Ah oui, c'est cher le négatif. Hein. 93,50€ pour Scarlett Internet. Bonne journée à vous, etc., etc. 6322 code facture. Bonne chance. Quelle est l'info en plus, Julie? C'est une première européenne et ça se passe chez nous en Belgique. Ah. À Eusden-Zolder. Parfait, il est désormais c'est, mais... possible. C'est en Flandre, forcément. Ah, d'accord. Oui, bah, c'est peut-être là-bas, dans le là-bas, oui. Oui, dans le là-bas, yeah. Effectivement. Yeah. Il est désormais possible de payer son ticket de parking en scannant un code avec son smartphone. Ah, c'est un QR code. Les trucs ouais, exactement le QR bon, code alors QR code. Quick response. Ah, quick response, yeah. QR, c'est ça les initiales, ce que ça okay. veut dire. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le QR code, en fait c'est un petit carré avec pixelisé, c'est un peu le code barre du smartphone en ouais, fait voilà, c'est ça. Et on peut le scanner avec son smartphone, donc ça y est, c'est une première. On peut maintenant payer son ticket de parking avec son smartphone. Pour l'instant ça ne marche que pour Android, parce qu'il faut télécharger une application évidemment. D'accord. Voilà, ça ne marche que pour les appareils Android, mais ça va évidemment vite arriver pour... arriver chez tout le monde. Voilà, tu m'étonnes. 8h06 sur Fun Radio 7 maintenant, tiens, c'est dans un instant le remboursement de vos factures. Donc 6322 code facture, bonne chance tout le monde, on vous appelle dans 2 minutes 30 juste après Tayo Cruz et Florida, c'est Hangover sur Fun Radio. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Il est 8h09 sur Fun Radio tous les matins, 7h10, 8h10 et 9h10. On vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures. La règle du jeu est relativement simple. Vous vous inscrivez donc au 6322, vous mettez le montant et l'objet de la facture. Et puis ben nous, on vous rappelle en direct pour vous la rembourser justement, cette facture. Comme là, 150€ pour des frais d'ambulance, 128€ pour la région Wallonne des Eaux. Il y a également une bouteille de whisky 4,5 litres pour le nouvel an. Mais je n'ai pas le montant. Comment ça peut coûter ça? Bien cher à mon avis, non? Bah ouais. C'est au moins 25€. Plus hein, 4 litres et demi de whisky. 4 litres et demi, à mon avis, c'est plus. On doit être à 60, 70, peut-être. Mais même non. Plus. Ouais, parce que déjà, une bouteille de Jack, c'est 20€. Ouais. Je bois pas ça, donc j'en sais rien. Je sais pas, je bois pas non plus. Enfin bon, peu importe. En tout cas, on va appeler quelqu'un maintenant pour lui rembourser sa facture. Il ou elle s'est inscrite au 6322, puisque ça n'a pas décroché à 7h10. On appelle que ceux qui se sont inscrits entre 7h10 et 8h10. Ah. Allô? Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Sarah. Et qui paye les factures le matin? Mickaël. Eh oui. Eh bien voilà, Sarah. Comment vas-tu, Sarah? Tu es dans quelle ville, dis-moi? Bruxelles. Dans Bruxelles, 104.7, Sarah, très bien. Alors attention, Sarah, tu t'es inscrite pour qu'on te rembourse une facture, c'est bien cela? Oui, tout à alors, fait. Facture, si je la retrouve, c'était un stage pour ta fille, c'est ça? Oui, tout très à fait. Bien. Stage de voilà. Quoi? Stage de gymnastique. Stage de gymnastique, c'est très bien. Et combien ça coûte cette affaire? 56,50€. 56,50€. Eh ben écoute, y a pas de problème, on va te rembourser ça, Sarah, pour ta fille, pas de problème. Super. Merci je t'en prie. Beaucoup. Bah passe une bonne année, gros bisous à toi. Oui, et puis reste aussi. Bien au téléphone, oui. Sarah, on va prendre tes coordonnées dans un instant, ok? Merci. À bientôt Sarah, gros bisous. Oui. Et puis si au comme revoir, Sarah, bisous. Ciao, et si comme Sarah vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, eh bien c'est très simple, il suffit comme elle de s'inscrire au 6322 en débutant le message tout simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, on jouera aussi au Frites Code Game. Si vous voulez vous inscrire, 6322 code Frites avec votre numéro de téléphone. Et on joue dans moins de 10 minutes. Le temps d'écouter Gym Class Heroes dans un instant. Jim Classilos en concert avec Fun Radio 1 d'ailleurs. Hein. Ce sera très bientôt, fin du mois de janvier. Si vous voulez plus d'infos, bah, écoutez ce qui suit dans 30 secondes. À la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. 8h17 sur Fun Radio et Calvin Harris arrive dans un instant avec Feel So Close. Il y aura aussi Beyoncé avec Love on Top. Et puis on jouera aussi dans un instant au Frit Code Game. Si vous voulez vous inscrire, 6322 code Frit avec des iPod Shuffle à gagner et d'autres iPod Shuffle également à gagner avec la devinette qui colle. Je vous l'annonce encore une dernière fois. Sur une table, on peut y jouer car il peut être de table. Sur un terrain, le pratiquer car on peut le jouer. D'ailleurs, plus régulièrement sur un terrain. Devant un mur également, on peut s'entraîner. À ce moment-là, on joue seul hein, pour s'entraîner. C'est le concept. D'habitude, ça se joue à 2 ou à 4. Ou alors dans des chaussures fortes appréciées justement car ce sont aussi le nom de chaussures qu'on appelle plus communément d'ailleurs basket, cela dit au passage. Si vous avez la bonne réponse, iPod Shuffle est gagné au 63-22, c'est 1€ le message, bonne chance. Quelle est l'info Julie là? Eh bien le maître d'armes de la guerre des étoiles est décédé. Ah oui c'est vrai. Mais oui c'est l'anglais Bob Anderson qui avait doublé les scènes de combat au sabre laser Dark Vador. Personnage central de la série, bien sûr, de George Lucas. Eh bien, la guerre des étoiles, donc, a perdu son maître, l'anglais, âgé de 89 ans. Ah oui, quand même. Oh, il avait une belle vie, 89 ans. Il avait quand même été demi-finaliste de sabre par équipe aux Jeux Olympiques de Londres en 1952. Ah ouais ! Et après, il s'est lancé dans la chorégraphie et le doublage de scènes. C'est donc lui qui avait doublé les scènes de Dark Vador avec. Avec son sabre. Et donc voilà, malheureusement il est décédé. Mais je crois que Sandro a une autre information. Oui, une information cruciale. C'est quoi? J'ai mieux que Dark Vador. Capitaine Eglo est mort. Ouais. Ah oui. Je pense qu'une minute de silence. Oui. C'est dramatique. Oui, bah, on va penser à la minute de silence. Mais plus tard alors Entre nous. Oui, entre nous. Très bien. Allez, dans un instant, le Frit Code Game sur Fun Radio. C'est ça. Et Calvin Harris maintenant. C'est Feel So Close sur Fun Radio. Bonne matinée, il est 8h19. Calvin Harris sur Fun Radio. Feel So Close, il y a Beyoncé dans un instant, ce sera Love on Tap. Et puis nous allons jouer maintenant au Frit Code Game. Pour jouer avec nous, il y a Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut. Comment ça va Nico? Ouais, ça roule. Est-ce que tu peux couper ta radio s'il te plaît? Ouais, j'accoupe. Voilà, nickel, voilà. Parce que sinon ça fait de l'écho évidemment. Et Nicolas, t'appelles de Boussu, tu as 22 ans, tu fais quoi dans la vie Nico? Bah, je suis chauffeur poids lourd. Chauffeur poids lourd, et c'est t'es où là? C'est pour ça que ça roule, il vient de te le dire. Bah oui, t'es où là actuellement? Bah là, je suis du côté de Charleroi en fait. D'accord, ok. Et ça va justement, ça roule sur la route? Ouais, ça va tranquille. Bon. Tranquille, aujourd'hui, il n'y a pas de flamme. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, ça va encore. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Julie, là, c'est encore relativement calme vu que bah, y a encore, tous les étudiants sont en congé et tout ça. Donc forcément, ça fait moins de monde sur les routes. Bon, alors attention, Nico. Nous allons jouer maintenant au Frit Code Game. Le Frit Code Game, c'est simple. Il y a quatre questionnaires. Tu en choisis un des quatre, sachant que ça va du petit paquet de frites au grand paquet de frites, ensuite le durum et ensuite la mitraillette. Petit paquet de frites, question très facile mais avec un petit cadeau. Et puis mitraillette, question plus compliquée mais tu peux repartir avec un plus gros cadeau comme un écran plat par exemple. Ouais, tu prends quoi? Je vais pas trop faire le malin, je vais prendre plutôt le durum. Le durum, c'est bien, c'est pas mal. Bon, alors justement, avant de prendre le durum et avant de poser les questions, d'abord le petit hymne dorénavant du Frit Code Game. Si tu vas en Belgique, faut pas te fatiguer à demander des tripes ou bien du cassoulet. Dans les baraques à frites, dans toutes les maisons, on te servira bien vite et en toute saison. Des frites, avec un petit pain. Des frites, à que ça fait du bien. Des frites, du soir au matin. Des frites, avec tous les copains. Et oui. Yo. Et oui, c'était le rap des frites. C'était. Je voudrais voir toi ici dans les studios, il en peut plus. Hein. C'était hier, c'était avec. Ouais, c'était chez Reichmann, ouais. Avec chez Jean-Luc Reichmann sur TF1, les exactement. Les 12 coups de midi, ou je sais plus comment ça s'appelle. Bah, comme quoi, c'est aussi ringard que le jingle. Hein. The Frit Code Game. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, allez, tu as choisi le durum, c'est parfait. On y va, on rentre maintenant donc dans la friterie. Je te pose 5 questions. Si tu fais minimum 3 sur 5, tu repars donc avec les cadeaux, ok? Ok, pas de soucis. Oh là, attention, c'est parti. Première question, il faut répondre du tac au tac. Attention, à 10 près, combien faut-il de mimimati pour faire la taille de la statue de la liberté, socle compris? Oh là là. Bon, à plus ou moins 10. Hein. C'est une question de mitraillette, ça. 300, non, il en fallait 70. Eh oui, à 10 près. Eh oui, quand même. Hein. 70 mimimati, quand même. Ah bah oui, je sais. Ouais, bah oui. Bon, quand même, c'est pas quand même plus que 10 cm. Quand même, quand même. Bon, alors attention, c'est facile, c'est une chance sur deux. Vrai ou faux, le curling est un sport où il faut manger le maximum de curly en une minute. Faux. Faux, bonne réponse, c'est une bonne réponse, bravo. Comment s'appelle la femelle du castor? Oula. La quoi? La castor. Eh ben non, c'était la castorine. Bah ouais. Ah, tiens, c'est marrant. Alors attention. Julien dit la castorette. Attention. Attention, il ne faut plus se tromper pour faire 3 sur 5. Il reste 2 réponses. Tu as 1 sur 5 pour l'instant, enfin 1 sur 3. Comment s'appellerait René La Taupe si c'était un pélican? Qu'est-ce que c'est cette question? René Pélican? Eh ben oui, bonne réponse, bravo. Eh ben oui, c'est normal. Et enfin, attention, la dernière question pour repartir avec les cadeaux. Attention, attention. Ça va, tu le sens bien là? Ouais, putain, je suis chaud, je suis t'es chaud. T'es chaud, t'es chaud. Attention, d'abord l'hymne. Si tu vas en Belgique, faut pas te fatiguer à demander des tripes ou bien du cassoulet. Dans les baraques à frites, dans toutes les maisons, on te servira bien vite et en toute saison. Des frites, avec un petit pain. Eh des oui, frites, des frites. À que ça fait du bien. Eh des oui, frites, des frites, du soir au matin. Avec les yo, yo, et eh oui, yo. Voilà l'hymne des frites du Frites Code Game. Attention, dernière question. Tu as 2 sur 4 pour l'instant. Encore une bonne réponse et c'est gagné. Vrai ou faux, Bart de Weaver, Bart de Weaver, veut la scission du GHB. Faux. Faux, effectivement, bravo. Frites Code Game. Oh, ça y est. Eh oui, eh oui, eh oui, bravo Nicolas, tu es le premier gagnant du Frites Code Game. Il était temps, bravo à toi. Eh ben écoute, bon, bah t'aurais pu gagner la télé si t'avais pris la mitraillette, mais en l'occurrence t'as pris Doorum, tu repars avec un iPod Shuffle également, y a pas de problème. Voilà, bravo à toi Nico. Super, bah je t'en prie. Super, merci beaucoup. Passe une excellente journée à Charleroi et puis tu reviens quand tu veux. Salut, salut. Je te remercie, salut. Salut, ciao à toi, bye bye. Ah bah ça fait plaisir d'avoir enfin un gagnant, dis donc. Hein. Enfin, on en a déjà eu. C'est bah non, de l'année, Frites Code Game, non. Jamais eu de gagnant en Frites Code Game, ils sont tous plantés. Sûr de si, ça. Si, c'est un truc de fou, c'est dramatique. Ah ouais, mais ils prennent tous la mitraillette. Bah ouais, c'est ça aussi. Hein. Bon, allez, Beyoncé maintenant avec Love and Tap sur Fun Radio et juste après, la devinette qui colle pour repartir aussi avec vos iPod Shuffle. Bonne matinée avec nous. Beyoncé à l'instant sur Fun Radio avec Love and Tap. Il est 8h28. Bon réveil avec nous dans un instant. DJ Antoine avec Tom Dice. Et puis un message qui dit Julie a raison, il y a déjà eu une gagnante niveau de room. Mais non, Julie n'a jamais raison, faut le savoir ça. Il faut le savoir. Et même quand Julie a raison, Julie elle a tort. Exactement. Mais c'est merci, ça. Merci, merci à ceux qui suivent un peu. Tiens, il y a plein de. Qu'est-ce qu'il y a encore toi? Qu'est-ce que tu veux? C'était Ophélie hein, qui Ophélie anime. Qui est candidate Miss Belgique. Je précise un peu ceux qui n'ont pas suivi. Oui, c'est vrai. Et qui anime. Oui, et qui anime avec nous tous les matins. Voilà, qui est avec nous d'ailleurs. Hein, donc faut le savoir. Maintenant, faudra la mettre dans les jingles. C'est ce qu'elle m'a demandé, n'est-ce pas, Ophélie? Très bien. Bon, eh ben écoute, merci Ophélie. Tu reviens quand tu veux. Tu n'hésites c'est pas dur. Surtout. Bah quoi? C'est elle non, qui réagit ouais. Quand elle veut. Moi, je la force pas. Hein. Bon, nous avons Fred avec nous pour la réponse à la devinette qui colle. Salut Fred. Salut. Comment vas-tu, Fred? Bien et toi? Bah écoute, ça va tranquillement. Hein, tranquille. T'as passé une bonne année, Fred? Enfin, une bonne bon réveillon. J'étais en plein déménagement. Ah super, un déménagement en plein hiver, c'est toujours top. Hein. Bon, t'as vu l'hiver, ça va. Bon, là, ça va. Pour le coup, j'en ai fait un l'année dernière avec la neige et tout. Ah ouais, tu sais, avec les gros meubles et tout, avec une cache à tronc directement. Non, c'est très pratique. Bon, Fred, alors, toi, tu as la bonne réponse à la devinette qui colle. Je la rappelle pour ceux qui débarqueraient, par exemple. On écoute là. Ouais. Sur une table, on peut y jouer. Sur un terrain, le pratiquer devant un mur. S'y entraîner dans des chaussures fortes appréciées, qui est-il? Le tennis. Mais oui, le tennis, effectivement, c'est une bonne réponse. Bah bravo à toi Fred, c'est gagné. L'iPod Shuffle encore une fois qui va partir chez toi. Tu veux quelle couleur? Il y a gris et noir, il y a bleu et blanc, vert et blanc, orange et blanc ou rose et blanc. Vert et blanc. Vert et... Ouh, quelle laideur. C'est le plus moche de tous. Ah, on dirait que c'est comme... Voilà, comme je suis sûr que c'est le plus bon. Non, mais on peut plus dès qu'il y a du vert. Mais tu fais comme tu veux, Fred, il n'y a pas de problème. Mais écoute, passe une bonne journée et bonne année, Fred. Bonne année à vous aussi, merci. Allez, à bientôt, Fred. Bon, et puis restez là dans un instant, il y a notre invité mystère qui va arriver pour encore repartir avec un iPod Shuffle. Et puis on aura aussi la déclaration express, c'est avec notre ami Love dans un instant. Et dans un instant aussi, DJ Antoine et Tom Dice avec Sunlight. Mais avant avant cela, il est 8h30, soyez les bienvenus sur Fun Radio, c'est l'heure de passer l'actu avec Julie. Bonjour à tous, le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est au cœur d'une polémique. Une étude canadienne conteste l'efficacité de ces vaccins et pointe du doigt le risque d'effets secondaires graves. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le quotidien Le Soir. Pour rappel, 26 000 jeunes filles inscrites en deuxième année du secondaire en Wallonie et à Bruxelles se sont vues proposer la vaccination contre certaines souches du virus HPV responsable de 70% des cancers du col de l'utérus. Le taux d'alcoolémie bientôt peut-être à 0,2 g pour 1000. Le secrétaire d'État à la mobilité Melchior Wathelet prépare un plan destiné à renforcer la sécurité routière dans le pays et la mesure la plus marquante porte sur un abaissement de 0,5 à 0,2 g pour 1000 du seuil limite d'alcoolémie autorisé pour prendre le volant. Melchior Wathelet envisagerait aussi des mesures de sécurité complémentaires pour les conducteurs les plus âgés et soumettre ceux-ci à des examens médicaux d'aptitude. Le nombre de contrôles d'alcoolémie devrait aussi augmenter. Nos centrales nucléaires belges sont suffisamment robustes pour faire face à des événements extrêmes comme des tremblements de terre ou des inondations. C'est la conclusion du rapport final par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sur les fameux stress tests lancés dans la foulée de la catastrophe de Fukushima. Certaines améliorations devront encore être apportées, comme par exemple à Tihange. Il faudra mieux isoler tout le site du danger d'inondation. Le corps mutilé d'une femme a été retrouvé dans son appartement à Binche hier après-midi. Le corps sans vie d'Isabelle Paternoster a été découvert gisant dans son sang, horriblement mutilé. Selon les premiers éléments de l'enquête, les blessures ont été provoquées par un objet contondant. Le compagnon de la victime aurait affirmé avoir retrouvé le corps dans cet état, manifestement sous l'emprise de la boisson et peut-être de stupéfiants. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, a été placé en cellule de dégrisement. Et puis, la chasse aux bonnes affaires est lancée. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. L'hiver a été très doux. Il reste donc pas mal de stocks dans les magasins. Les consommateurs peuvent s'attendre à des rabais de 30 à 70% selon Comeos, la Fédération du commerce et des services. Et puis, à l'étranger, près de 15 millions d'Égyptiens sont appelés à voter aujourd'hui pour leurs députés dans le dernier tiers du pays. Un scrutin dominé de manière écrasante par les formations islamistes. Et puis, enfin, en sport tennis, Yanina Wickmeyer commence bien l'année 2012. Au tournoi d'Auckland, la 26e mondiale a battu la tchèque Karolina Pliskova et au deuxième tour, Wickmeyer sera opposée à l'italienne Sarah Errani. Dans un instant sur Fun Radio, il y a le remboursement des factures, c'est dans une demi-heure, on aura l'invité mystère et DJ Antoine. Avant ça, c'est la météo. Prudence, ça va souffler pas mal aujourd'hui avec des rafales allant de 90 km/h en Gaume jusqu'à 110 km/h entre les Flandres et Anvers. La soirée sera à nouveau copieusement arrosée. Bonne nouvelle, ça se calme demain pour reprendre de plus belle jeudi. Aujourd'hui, côté température, c'est un petit peu plus frais qu'hier, de 4 à 11 degrés. Eh bah très bien, profitez-en bien d'ailleurs. 8h34 sur Fun Radio, quelle est l'info en plus maintenant? Alors Facebook, on sait qu'on est quand même nombreux à l'utiliser parce que ça comptabilise quand même au total 800 millions de membres, ouais. Le fameux réseau social. Alors souvent on critique Facebook au niveau de la vie privée parce que bon, Mark Zuckerberg, le fondateur, le créateur de Facebook, change souvent les petites choses là pour aller cacher les photos à certaines personnes et ce genre de choses. C'est pas super facile, hein. De plus en plus ça devient de plus en plus compliqué. Et bien en plus Facebook est critiqué une fois de plus parce que d'après l'enquête, une enquête par un site internet britannique, Facebook est cité comme élément à charge dans près de 33% des divorces en Grande-Bretagne. Donc en fait, quand on arrive au tribunal, on dit voilà, on a vu sur Facebook qu'il a été parlé à telle fille, si c'est pour le mari, etc. Ben, bon, beaucoup de faits d'adultère sont repris sur Facebook apparemment. Donc 33% des divorces en Grande-Bretagne, donc Facebook est cité donc comme élément à charge. C'était quand même 20% en 2009, donc les chiffres augmentent tout doucement. Bah tu m'étonnes. Bon, ça c'est clair. D'ailleurs, dites-nous, tiens, si jamais ça, Facebook a déjà tué votre couple à un moment ou à un autre, votre mariage brisé, ouais. N'hésitez pas à nous le dire au 3044, évidemment. Il est 8h35 sur Fun Radio. Dans quelques instants, on écoutera. On va écouter maintenant, tiens, DJ Antoine avec Tom Dice, c'est Sunlight. Et puis notre invité mystère arrive dans un instant, juste après DJ Antoine sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, il est 8h38, il y a Enrique Iglesias qui arrive avec Pitbull. Dans un instant, ce sera I Like How It Feels. Et puis là, j'ai notre invité mystère, justement, l'invité mystère pour repartir avec un iPod Shuffle. Qui est notre invité mystère? Ouais. Pas toujours facile, hein. À moins d'une, elle ne faisait pas la chanson. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, bah, ah oui, non, mais je vous le dis, voilà. Bon, à votre avis, qui est notre invité mystère? C'est une femme, vous avez elle pu l'entendre. Elle aime beaucoup les piscines, hein. Elle a aimé les piscines, fut un temps, sur M6 en France, dans un. Enfin bon, j'en dis pas plus parce que sinon après ça va venir un peu simple. Et l'yo-yo aussi. Et oui, voilà, c'est ça, exactement, oui. Donc, elle est en plein régime actuellement. Oui, oui, oui. Ça fait un peu de temps. Depuis, hein. depuis longtemps, hein. Oui. Parce qu'aujourd'hui, avec une, on pouvait en faire deux de l'époque. C'est vrai. Bon, je vous le remets, qui est notre invité c'est mystère? Pas Ah oui, voilà. Bon, si vous avez une idée, qui est notre invité mystère, hein, elle n'a qu'un prénom, hein, d'ailleurs tout ce qu'elle a. 6322, vous y allez, n'hésitez pas. Bonne chance tout le monde, il y a des iPod Shuffle qui sont à gagner. Bon, on l'appelait Miette. Miette. Oui, c'est vrai. Ah bon? Oui, on l'appelait Miette. Oui, oui, quand elle était petite, on l'appelait Miette. Moi, je ne savais pas, je me coucherais moins. Le titre du livre qu'elle a écrit. Ah. Qu'elle a écrit un livre, oui. Ah. Bah, une faute d'orthographe. Je pense que ça met les gens sur une fausse piste. Hein. Très intéressant. Oui. Sinon, elle n'est pas vraiment faite pour écrire. Ouais, c'est ça, oui. Bon, allez, nous avons Graziano qui est avec nous de Jumet, 21 ans. Salut, Graziano. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Bon, ben bienvenue à toi, Graziano. Bon, alors, tu appelles donc de Jumet, tu veux qu'on fasse une déclaration express à Julie, c'est ça? Oui. Oh, c'est gentil. Non, mais pas la nôtre, hein. Ah. Il a bon goût, lui. J'ai jamais de déclaration hein. express, moi, ça je peux toujours. C'est normal. Elle serait trop vulgaire. Super, avec Chouchou nous appelle. Ah, ouais, c'est clair. Ça serait bien. Bon, Graziano, on va donc appeler ta copine, elle s'appelle Julie. Tu vas la voir dès que tu l'as au téléphone, tu lui dis voilà, j'avais un truc à te dire, et puis ben, nous on dégaine derrière, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, ah bah c'est parti, on y va. On l'appelle, direction Jumet également, chez Julie qui a 18 ans. Vous êtes déjà ensemble, en fait, Hello. Ou pas? Oh, hello. Merde. Oui, bonjour. C'est le répondeur. For English, press 1. Oh, ils sont relous. For Netherlands, Druk 2. Pour le français, appuyez. Ah oui, bah on ne peut malheureusement pas. Bah c'est peut-être pas le bon numéro. Alors attends une seconde, je vais te repasser l'ob. Là on va composer et puis bah sinon on refera ça dans un instant. On va le refaire. Attends, il va juste vérifier le bon numéro. Et si je cela dit, si vous voulez vous aussi faire une déclaration express, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Demain on remettra le couvert sans problème. Il suffit de vous inscrire au 3044 en mettant déclaration en début de message. Qu'est-ce qui lui arrive à son drôle stagiaire? Non mais si un jour l'ob veut bien faire une déclaration express pour Julie. Ah oui, bien sûr, sans problème, on peut hein. C'est non, pas non, mais un souci, effectivement, ça risque d'être un petit peu trop violent, je pense. Bon, attends, apparemment on a le bon numéro maintenant. Vas-y, Graziano, hein. Alors, pourquoi ça marche plus? Bah. Patience. Allô, Julie? Oui. Ah, bonjour Julie, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Je t'appelle avec Graziano, il avait quelque chose à te dire, tu écoutes? Oui. Allez, vas-y. Julie, si je t'appelle ce matin à ton réveil, non, c'est pas pour te tuer les oreilles. Ça doit faire maintenant 4 ans que t'es avec lui, et depuis 4 mois tu squattes son lit. T'habites près de Charleroi, d'ailleurs. C'est ton derrière comme un pervers. Quelle magnifique déclaration express. Il a fallu évidemment qu'il rajoute pervers. Bah oui. Il faut toujours qu'il mette quelque chose comme ça. Ah, oh, c'est bon. Mignon pervers. Bah oui, bah, mais oui, bah, c'est mignon pervers. C'est un curé qui vote oui, écolo. Oui, merci. Oui, c'est ça. Bon, Julie, qu'est-ce que tu en as je pensé? C'est la plus mauvaise excuse que t'aies trouvée. Non, la vérité. Qu'est-ce que tu en as pensé, Julie? C'était très beau. Oh, c'était très beau. Bah voilà, bah, c'est magnifique. Ouais, c'est le principal. Bah, si on a pu rendre ce service. Graziano, t'es content aussi? Ouais, très content. Bon bah tant mieux. Bon bah si vous aussi voulez faire une déclaration express, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas bien entendu à venir nous en demander une, il n'y a pas de problème, on fera ça avec plaisir au 3044 en débutant le message par déclaration. Allez, on s'écoute Enrique maintenant avec Pitbull, c'est I Like How It Feels sur Fun Radio, bonne matinée. It's my time. Ah, il y a un message qui vient d'arriver par SMS qui dit putain mais il chante bien l'ob, go to the voice Belgique. C'est Leila de Bruxelles qui avait envoyé le message. Ne nous enflammons pas non plus. Hein. Ça aurait pu être drôle. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais bien voulu voir le regard choqué du moment où il se retourne pour voir. Non, elle est méchante, elle est méchante. Qu'est-ce qu'elle fait ? Allez, 8h46, faisons un tour du côté de l'infotrafic maintenant. Soyez prudent, accident sur le ring de Anvers en direction de Gand à hauteur de Berchem. C'est une bande qui est obstruée. Accident aussi dans l'échangeur E40 Ostende en direction de Anvers, de Bruxelles, pardon, avec le 17 Courtrai en direction de Anvers cette fois. C'est à hauteur de Zeynard. Et puis, objet encombrant sur le 19 Valenciennes-Mons en direction de Bruxelles à hauteur de Avray. Bande de gauche et du milieu qui sont obstruées. Attention, ça se passe au kilomètre 49, la situation est dangereuse. Très bien, donc faites gaffe et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, vous nous dites bien sûr au 30-44, faites jouer la Fun Solidarité. Il est 8h46, dans un instant, la ligne anti-relou et je vous remettrai un petit coup, bien évidemment, de notre invité mystère qui vous permettra de repartir peut-être avec un iPod Shuffle. DJ Joss arrive dans un instant, ce sera I Want You sur Fun Radio. Bonne matinée. Yeah, ne bougez pas, Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h50 sur Fun Radio, c'est l'heure maintenant de faire un point sur le relou. Voilà, un point sur le relou, un point sur la ligne anti-relou, comme chaque matin à 7h-10, 8h-10 et 9h-10. Les meilleurs messages laissés au 0 473 86 00 13. Et on écoute le message maintenant, c'est parti. Allô, oui, Steph, c'est je voulais dire que j'avais passé une bonne soirée hier. Je suis tout seul. Ma femme, elle bosse, donc c'est quand tu veux, hein. Je t'attends. Je t'attends. Voilà, ben oui. Rappelle-moi. Ben il attend. Ah, il a dû la rencontrer sur Facebook, hein. Et ça va attendre longtemps. Ouais, ben oui. Ça va exactement. Peut-être, ouais. Bon, allez, deuxième message. Et en plus, vous êtes ma femme n'est pas là, donc je t'attends. Non, c'est merci pour la soirée d'hier, blablabla. C'est un grand classique. Ouais, c'est vrai. Ah, allez, oui. Dernier message. Allô, bonjour Imad, c'est ton patron à l'appareil. C'était pour te dire que demain, c'était plus la peine de venir. Toi et ton pot de vaseline. Merci, au revoir. Voilà. En même temps, je pense que s'il a donné ce numéro de téléphone à son patron, c'est qu'il n'avait plus vraiment l'intention de venir. Hein, donc, faut le savoir, ça aussi. Bon, la ligne anti-relou qui revient demain, évidemment, à partir de 6h. Si vous voulez, eh bien, vous aussi participer à la ligne anti-relou, n'hésitez pas à donner ce numéro à tous les relous que vous pouvez croiser, le 0 473 86 00 13. Dans un instant, on va encore appeler avec Tof pour souhaiter la bonne année aux gens. Hein. Pour l'instant, on n'arrête pas de se faire accrocher au nez. C'est scandaleux. À 7h50, on avait appelé à Rouvreux, on s'est fait raccrocher au nez. Est-ce qu'à 8h55 on aura plus de chance? Eh bien, on le saura juste après DJ Joss maintenant avec Magic Cut et Mandy. C'est I Want You sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Fun Radio, bienvenue tout le monde. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle vous retrouverez Lucas également qui sera là pour le self. Là, ce sera jusqu'à 13h, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler d'ici quelques instants. Avant de faire les appels avec Tof pour souhaiter bonne année aux gens, on n'arrête pas de se faire accrochonner depuis hier alors que. C'est scandaleux. Ça part d'un bon sentiment quand même. D'abord, notre invité mystère. Si vous avez une idée, qui est notre invité mystère aujourd'hui? Voilà, il y a des iPod Shuffle à gagner. Si vous avez la bonne réponse, quelle est notre invité mystère? Elle a été la première à coucher dans une piscine à la télé. Bah oui. Non, parce qu'il y en avait sur Canal Plus avant. Oui, mais là c'est une chaîne en clair. C'était, ah oui, c'est vrai. C'était sur M6 dans une première télé, la première télé-réalité française au final. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas eu la chance de le vivre ici puisqu'on n'a pas M6, mais par contre on l'a bien vécu avec Internet, même si Internet c'était pas non plus la folie à l'époque, mais bon, on a quand même bien vécu, ne fût-ce qu'avec les magazines à l'époque aussi. Voilà, c'est ça, à l'époque. C'est pour vous dire, ça fait quand même, ça date pas d'hier quand même. Hein. Voilà, si vous avez la bonne réponse, ça fait Tipeee, jouer. Si vous avez la bonne réponse, quel est notre invité mystère de ce matin? Mais j'ai une carrière, hein. Je peux pas t'empêcher, hein. J'ai une carrière. Mais pas dans la chanson, par contre. Vas-y. Bon, qui est notre invité. Oui, je suis d'accord avec toi, hein, sa version est dégueulasse. Ce que tu fais, mais c'est heureusement c'est que je mets un peu plus de valeur, hein, que ça vaut beaucoup plus quand je chante par-dessus. On aurait dû faire un duo. Oui, oh là là. Je pense que tu peux l'appeler, elle sera d'accord. Ah oui, je pense, ouais. Déjà, vous pouvez vous comprendre au niveau régime, donc c'est bien. Bah, tu rigoles quoi. Hey, je te rappelle que j'ai perdu 6,5 kg et elle en a pris 17 depuis qu'elle fait régime. Ah bah voilà, vous êtes très régime en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais elle y arrive pas pour le coup. Bon, voilà, la bonne réponse au 63-22. Bonne chance, iPod Shuffle a gagné. Et on appelle Airpan maintenant là pour vérifier. Enfin, pas pour vérifier, juste pour souhaiter bonne année. Juste avant, je veux annoncer une bonne nouvelle. L'homme le plus bel habillé du monde n'est pas moi. Pourquoi ? Parce que ça vient de tomber, ce n'est pas moi. Ah, bah, c'est parce qu'ils te connaissent pas, c'est pour ça. Attends, c'est ton pote, Mickaël. Bah ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est son mec, c'est pas pareil. Ouais. Ah, quel mec. Jared Leto. Oh, ouais, on va se faire un peu en fou. Oui, bon allez, mais non, mais il me saoule avec ça, c'est mon mec, genre. On y va. C'est vrai qu'on a vu, il y a un truc qui se passe entre vous, un truc. C'est pas ça. Long. Allez, appelons Airpan maintenant. Allons-y. C'est parti. Allez, direction Airpan. T'as vu pourquoi est-ce qu'il vient tout rouge, Mickaël? Oui, bah pour rien. Allez, c'est parti, on appelle Airpan. Il devient pas rouge. Parce qu'il me saoule depuis des années que ça fait. Bon, allez. Il serait temps de voir la réalité en face. Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Je vous appelais pour vous souhaiter une bonne année. Oh, c'est de la part de qui ? C'est de la part de Toff. Je ne vous connais pas. Non, mais c'est pas grave, je voulais juste vous souhaiter une bonne année. Oui, mais je vous le souhaite aussi, mais je suis couché, hein. Mais oui, et c'est quoi vos bonnes résolutions alors pour la nouvelle année ? Comment ? C'est quoi vos bonnes résolutions pour la nouvelle année ? Oh, essayer d'avoir une bonne santé. Ah oui, c'est le principal, hein. Oui. Bon, eh ben écoutez, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne année, madame. Eh ben merci. Allez, à bientôt. Au revoir, oui, au revoir. Au revoir. Eh ben voilà, enfin. Applaudissements. Ça y est, la bonne année a été souhaitée. Mais oui, c'était pour fêter cette grande nouvelle. Je ne suis pas l'homme le plus mal habillé du monde. C'est vrai, effectivement, oui. C'est vrai. Enfin bon. Bon, allez, 8h58 sur Fun Radio. Tous les matins, on est là en direct avec l'info de Julie qui arrive dans un instant et le son de Snoop Dogg. Maintenant, c'est Young, Wild and Free sur Fun Radio. Bonne matinée. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et en pleine forme, effectivement, avec dans un instant sur Fun Radio le remboursement de vos factures. Dernier rencart ce matin pour le remboursement des factures. Si vous voulez vous inscrire, allez-y dès maintenant. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle en direct dans moins de 8 minutes sur Fun Radio. Bonne chance. Il est 9h02 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, c'est l'heure de l'actu avec Julie. Bonjour à tous, le taux d'alcoolémie bientôt peut-être à 0,2 g pour 1000 maximum. Le secrétaire d'État à la mobilité Melchior Wattley prépare un plan destiné à renforcer la sécurité routière. Et la mesure la plus marquante porte donc sur un abaissement de 0,5 à 0,2 g pour 1000 du seuil limite d'alcoolémie autorisé pour prendre le volant. Melchior Wattley envisagerait aussi des mesures de sécurité complémentaires pour les conducteurs les plus âgés et les soumettre à des examens médicaux d'aptitude. Le nombre de contrôles d'alcoolémie devrait aussi augmenter. Le vaccin contre le cancer du col de l'utérus est au cœur d'une polémique. Une étude canadienne conteste l'efficacité de ces vaccins et pointe du doigt le risque d'effets secondaires graves. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans le journal Le Soir. Pour rappel, 26 000 jeunes filles inscrites en deuxième année du secondaire en Wallonie et à Bruxelles se sont vues proposer ce vaccin contre le cancer donc du col de l'utérus. Nos centrales nucléaires belges sont suffisamment robustes pour faire face à des événements extrêmes comme des tremblements de terre ou des inondations. C'est la conclusion du rapport final par l'Agence fédérale de contrôle nucléaire sur les fameux stress test lancé dans la foulée de la catastrophe de Fukushima. Certaines améliorations sont encore à apporter, comme par exemple à Tihange, il faudra mieux isoler tout le site du danger d'inondation. Le corps mutilé d'une femme a été retrouvé dans son appartement à Binche hier après-midi. Selon les premiers éléments de l'enquête, les blessures ont été provoquées par un objet contondant. Le compagnon de la victime aurait affirmé avoir retrouvé le corps dans cet état, manifestement sous l'emprise de la boisson et ou de stupéfiants. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, a été placé en cellule de dégrisement. La chasse aux bonnes affaires est lancée. Les soldes d'hiver commencent aujourd'hui. L'hiver a été très doux. Il reste donc pas mal de stock dans les magasins. Les consommateurs peuvent donc s'attendre à des rabais de 30 à 70% selon Comeos, la Fédération du commerce et des services. Deux barges sont parties à la dérive sur la Meuse à Liège. Elles sont immobilisées contre le pont de Fragnes qui a été fermé à la circulation. Le pont Albert risque également d'être fermé en fonction de l'évolution de la situation. À l'étranger, près de 15 millions d'Égyptiens sont appelés à voter aujourd'hui pour leurs députés dans le dernier tiers du pays. Un scrutin dominé de manière écrasante par les formations islamistes. Et puis au Sénégal, le chanteur vedette Youssou N'Dour a annoncé qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de février. Puis rapidement, en sport, tennis, Elina Wickmayer commence bien l'année 2012. Elle a battu au tournoi d'Auckland la Tchèque Karolina Pliskova. 9h04 sur Fun Radio, soyez les bienvenus, c'est la météo maintenant. Alors, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi dans le studio, mais les garçons sont très très excités. Bah bon, bah, prudence, ça va souffler pas mal aujourd'hui avec des rafales allant de 90 km/h en Gaume jusqu'à 110 km/h entre les Flandres et Anvers. La soirée sera à nouveau copieusement arrosée. Bah oui, la pluie revient par l'ouest du pays. Bonne nouvelle, ça se calme demain. Mauvaise nouvelle, ça reprend jeudi. Aujourd'hui, côté température, c'est un petit peu plus frais qu'hier. C'est de 4 à 11 degrés. Et ne bougez pas dans un instant sur Fun Radio, je vous explique comment vous faire rembourser vos factures. Restez bien là, ça arrive dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Le remboursement des factures dans un instant sur Fun Radio. Vous êtes nombreux à vous inscrire, bien que moins nombreux que d'habitude. C'est normal car c'est toujours férié pour la majeure partie des étudiants, enfin pour tous les étudiants en l'occurrence. Donc forcément plus de gens qui dorment, donc moins de gens qui écoutent. Je dis ça, c'est juste pour vous dire qu'en gros il y a moins de monde que d'habitude, donc vous avez plus de chance. Si vous voulez vous inscrire pour vous faire rembourser vos factures dans moins de 3 minutes, eh bien il suffit de vous inscrire maintenant au 6322 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est 1 euro le message. On vous rappelle juste après pour vous rembourser justement ces factures. On fait ça dans 3 minutes. 6322, code facture avec le montant et l'objet. Bonne chance. Quelle est l'info en plus, Julie ? Eh bien, on va parler de voitures avec une technologie plutôt insolite qui a été développée par des ingénieurs à Tokyo. D'accord. Eh bien, c'est la voiture qui nous identifiera par nos fesses. Elle garantit le démarrage de la voiture, donc cette technologie, et qui va se faire grâce à l'identification des fesses. Alors, comment ça marche ? Il y a 360. Bah, il faut se mettre cul nu à chaque fois qu'on rentre dans sa voiture, ce qui n'est pas pratique. Ah bon. Moi, 360. Je vais me recycler en siège de voiture. Ouais. Voilà, donc évidemment, c'était bien clair que j'allais avoir du mal à développer mon info. Oh, alors, comment ça marche ? 360 capteurs qui mesurent la pression en fait, au moment où on s'assied. Ça crée une image en 3D, une sorte d'image topographique de nos fesses. Et que donc chaque personne a ses propres fesses entre guillemets forcément. Et donc voilà, ça, la voiture va pouvoir reconnaître si c'est bien son propriétaire au moment où on s'assied. Et donc elle démarrera ou pas en fonction de la réponse. Ah ouais, donc, c'est original, c'est sympa comme antivol. Par les fesses, ça change de l'empreinte digitale. Hein. Ouais, mais c'est surtout que tu sais, l'empreinte digitale, tu peux toujours couper le doigt du mec. Alors que lui couper les fesses, c'est comme si c'est beaucoup plus compliqué. Compliqué hein. Ouais. C'est clair. Ouais. Bon allez, Sean Paul, on écoute maintenant She Doesn't Mind sur Fun Radio et juste après, promis, on vous appelle en direct pour vous rembourser vos factures. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle dans 3 minutes après le son de Sean Paul, She Doesn't Mind. Il est 9h08 sur Fun Radio. Bonne matinée avec nous. Sean Paul, à l'instant, 9h11 sur Fun Radio. On va payer les factures maintenant, d'accord, Ophélie, ouais, Dimis, là comment tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Franchement, je suis content depuis janvier qu'on l'ait. Hein. Je pense que grâce à ça, ça va faire monter l'audience. C'est une bonne animatrice. Franchement, ouais, on a bien visé là. C'est un putain sniper. Franchement. Ouais, on a bien visé là. Je vais l'appeler pour qu'elle vienne plus souvent. Ah bah ouais, bah il faut. Bah, il suffit de lui dire, elle est là, t'es con quoi. Bah oui, non mais. Ouais. Bah oui, mais il suffit de lui dire. Bon, allez, c'est parti, on y va, on rembourse les factures maintenant. Ceux qui se sont inscrits au 6322 code facture avec plein de messages hein, pour les factures. 78€ pour la mutuelle, 15€ pour une recharge téléphone, 50€ pour le gaz, 75€ pour une licence équestre. C'est vachement sympa ça. Hein. Allô ? Oui, allô ? Bonjour. Oui, bonjour. Qui paye les factures le matin ? Fun Radio. Mais oui ! Eh ben voilà, ça y est, c'est plié. Bon, comment tu t'appelles ? Stéphanie Semal. Stéphanie, oui. Stéphanie, tu as quel âge ? Tu es dans quelle ville, Steph ? 23 ans et j'habite à Bottevillers, près de Namur. Tout près de Namur. Et est-ce bien, que tu es célibataire ? Tof, elle s'en fout. Bah, moi pas. Oui, bah peut-être, mais enfin bon, on n'est pas là pour ça. Bon, Stéphanie. Oui. Tu veux qu'on te rembourse une facture Base, c'est bien ça ? Internet, oui. Internet de ça. Base, c'est combien Internet de Base ? 34,99. Eh ben écoute, c'est remboursé Stéphanie, il n'y a pas de problème. On va te prendre hors antenne pour te rembourser ta facture, d'accord ? Oui, ça va, ok. Mais je t'en prie. Mais je t'en prie. Bah t'as vu comme quoi ça arrive chez tout le monde. N'importe qui peut être sélectionné. Et si tu es sage, l'op peut aussi te rembourser le restaurant. Mais... bon Stéphanie, je te fais des gros bisous au resto standard, d'accord ? Ça va, Ok, c'est gentil. Salut Steph, à bientôt. Au ciao revoir. À toi. Et si comme Stéphanie, vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, eh bien c'est facile. Il suffit de s'inscrire au 6322 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Message qui dit c'est toujours des filles que vous appelez. En plus, l'autre, ni oui ni non, avait dit ouais à sa maman, vous avez rien dit. Non, on n'a pas dit ouais, c'est sa maman qui a dit ouais, c'est pas pareil. Non, et puis il n'y a pas que des filles qui ont participé tout à l'heure. Là, au Free Code Game, c'était un mec. Mais ouais. Bah voilà, et puis quand on fait le tirage au sort des factures, bah on choisit pas. Donc bon, bah voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. 9h13 sur Fun Radio, et attention, toujours notre invité mystère. Je la renvoie, je rappelle l'invité mystère d'ici quelques instants. On va d'abord écouter David Guetta maintenant avec Titanium sur Fun Radio. Il est 9h14. D'accord, Ophélie? D'accord. David Guetta sur Fun Radio et Kirillson arrive dans un instant. Ce sera Loose Control, 9h17 sur Fun Radio. Je vous remets un petit coup de notre invité mystère. On donnera la réponse dans un instant. D'ailleurs, écoutez bien notre invité mystère. Le message qui dit la fille qui chante dans la chanson de la pub, là on dirait que c'est Julie. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ressemblance. C'est vrai. Un petit peu, hein. Quoi, non, franchement, je trouve. Dans ce que vient de diffuser, là. Ouais. Mais c'est pas une pub, déjà. Non, mais bon, c'est un petit extrait qu'on a mis, quoi. Donc voilà, bon, si vous avez c'est une horrible, idée. C'est horrible, c'est méchant, je chante pas comme ça. Arrête. Non, c'est pire, peut-être. C'est exactement ça. Voilà. Donc, qui est notre invité mystère? Elle a été la grande première à avoir fait un scandale dans la télé-réalité en France sur M6 à l'époque. C'était il y a 10 ans, elle avait niqué dans une piscine. Hein, dans l'absolu, c'est ça. Donc, si vous avez la bonne réponse, quel est notre invité mystère, hein, qui a quand même failli mettre fin à ses jours 2-3 fois facilement, hein, qui fait un régime indéfini pour l'instant, hein, et en gros, c'est ça. Voilà, c'est une blonde. 6322 avec la bonne réponse. iPod Shuffle a gagné dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et puis, bah, là, on va parler de. Vous savez que nous sommes très déçus, puisque hier soir, hein, il y avait un nouveau jeu, donc 60 secondes chrono sur RTL, en remplacement de Total Blackout, qui n'aura fait que deux numéros, malheureusement, dont une spéciale la semaine dernière avec des VIP, avec entre autres Julie Taton et Stéphane Van Belligen. Qui, ouais, très, très grand moment. Ah oui, oui, qui présente entre autres la météo. Alors pour ceux qui ont raté le moment, c'était ça. Putain, oui, le montre. Bon, allez, j'y vais, Steph. Allez, courage. J'y vais. Vas-y. J'ai pas peur, Julie, t'as pas peur, on y va. On y va. Oui, j'ai pas peur. On y va. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Je sens rien, rien que des copeaux. On y va, c'est des restes. Je sais pas, mais c'est où? On y va, Juju, allez, vas-y. Courage, vas-y. Mais ça bouge. Bon. J'adore le et tout ça pour rien, puisqu'il n'y avait absolument rien. Oui, dans mais la attends, main. C'est hyper flippant. Hein. C'est vrai. T'es dans le noir total, oui. Ouais, je comprends. Mais il n'y avait rien dans la main. Voilà, tout ce que j'avais, tout ce que j'avais ajouté. Voilà. Bon, et puis puisqu'il n'y avait rien justement en main, heureusement pour Julie, c'est Stéphane qui lui était là pour la rassurer, lui montrer que c'est un homme, un vrai un gentleman. Donne-moi tes mains vite. Bon, on se moque de cela dit, mais il y a deux semaines avec les vrais participants, c'était pas non plus très brillant. Souvenez-vous de ça. Lâchez le prince. S'il vous plaît. Lâchez le prince. Je dois lâcher le prince. Marionnette. Lâchez la marionnette. J'ai rien compris. Enfin, il est con. Eh oui, Zeka, qu'ils étaient un petit peu lâchés d'ailleurs. Un petit peu emportés, pas non, du mais, tout. Non, mais moi je dis qu'il faut qu'on fasse une pétition pour le retour de Total Blackout quand même. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'ils en tournent d'autres. Mais voilà, d'ailleurs, c'est Sandro s'est proposé d'y aller. Ah bah très bien, Sandro, le stagiaire, avec plaisir, tiens, parfait. Bon, allez, 9h21 sur Fun Radio, bon réveil pour ceux qui sortent du lit. Et puis, bah, bon courage à ceux qui sont partis au boulot. Faites gaffe, le vent souffle déjà un petit peu. Et Kerylson, on écoute maintenant le son avec Nelly. C'est Loose Control, bonne matinée sur Fun. 9h24 sur Fun Radio, dans un instant, nous allons, bah même maintenant, tiens, nous allons prendre Antoine qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va Antoine? Ça va très bien, merci. Bon, bah, bienvenue à toi Antoine. Alors, t'appelles de Binge toi, et tu es là pour l'iPod Shuffle aussi. C'est très bien Antoine, sache que, Antoine, tu vas peut-être pouvoir repartir avec cet iPod Shuffle si tu arrives à me donner le nom de notre invité mystère, je la remets. Alors, on propose Lindsay Lohan. Ah non, pas du tout. bien qu'il y ait un rapport dans le nom de famille, hein. Vite fait, quoi. Ah oui, bah, c'est Loan. Loan, pas mal. Bah, il y a un rapport. Bon, Antoine de Binche, quelle est ta réponse? Quel est notre invité mystère? C'est Loana. Ben oui, c'est Loana, effectivement, oui, bonne c'est réponse. C'est bien elle. Ah ouais, c'est, bon, c'est bien elle, Antoine. Bon, bah du coup, l'iPod Shuffle est pour toi grâce à Loana. Tu veux lequel? Le gris noir, le bleu, le vert, l'orange ou le rose? Le bleu. Le bleu, eh bien parfait, on va t'envoyer ça, Antoine, à Binche, il n'y a pas de problème. Je te souhaite une bonne journée, passe une bonne année, Antoine. Merci à vous aussi. À bientôt, Antoine. Merci. Et puis, bah, on remet le couvert avec les iPod Shuffle dès demain, bien évidemment, sur Fun Radio. Et une question qui est arrivée. Hello, est-ce que la portière de Julie est réparée? Est-ce qu'elle a encore mais besoin non, d'un carrossier? Non, elle est toujours pas réparée, non. Bah non, elle est toujours pas réparée. Non, bah, je vais être obligée de la réparer en plus parce que le contrôle technique, je suis pas certaine qu'elle passe comme ça. Ah non, avec la porte, la porte défoncée comme ça, non, je pense pas, non. Donc voilà, donc oui, je cherche toujours un carrossier et surtout une porte gratuite. C'est oui, surtout ça mon problème. Faire, c'est ça. Elle est prête à payer en nature. Non, bien entendu, bien entendu. Mais j'aurais toute ma reconnaissance, évidemment. C'est déjà ça. Bon, à 9h26, avant de faire place à Lucas, il y a bien évidemment Julien de Rien qui officie tous les soirs sur Fun Radio. C'est avec Evan dans la tribu, bien sûr, avec bah, Julien de Rien, un reporter toujours sur le terrain, bien entendu, et qui, en l'occurrence... Quoi Julie rêve de pouvoir avoir sa place. Bah, bien sûr, de toujours aller sur le terrain, mais, oui, au cœur de l'info. J'ai pas de voilà. chance. Bah, oui. Julien de Rien, c'est tous les soirs dans la tribu avec Evan. Écoutez. Et l'info du jour s'est passée à Liège avec un bureau de poste qui a été évacué à la suite de la découverte de plusieurs enveloppes contenant une poudre suspecte. Nous avons donc demandé à Julien de Rien, notre envoyé spécial, de s'y rendre. Julien ? Oui Evan, je suis sur place après avoir recueilli des informations. Je peux vous affirmer que l'évacuation s'est bien passée. Elle a duré près de 2 heures. 2 heures ? Deux heures pour évacuer un bureau de poste ? Mais c'est énorme ! Ah mais oui, mais vous savez, évacuation ou pas, cela reste un bureau de poste. Il a donc fallu réveiller dizaines d'employés qui étaient dans les bureaux. Quoi, les employés dormaient ? Non, non, non. Après leur avoir posé la question, ils m'ont répondu qu'ils réfléchissaient. Bon, très bien, merci, ça fait plaisir. Julien, vous avez eu des informations, c'est ce qui nous intéresse quand même, concernant les enveloppes qui contenaient visiblement de la poudre suspecte. Oui, écoutez Evan, je me suis procuré cette fameuse poudre car les analyses prenaient trop de temps et je vous propose tout de suite de découvrir ce que c'est. Eh hey, mais qu'est-ce que... Julien, qu'est-ce que vous faites? Oh, je la flippe, je la goûte, à l'envoi. Et vous n'êtes même pas sûr que c'est de la drogue et même si ça en était, vous n'allez quand même pas vous droguer là maintenant, c'est quand même de la radio, vous faites du journalisme, Julien. Eh bien, de une, cela s'appelle du journalisme d'investigation, je m'investis à fond pour mon boulot. De deux, quelle est la seule poudre qui permet de vous réveiller 10 personnes qui dorment dans un bureau de poste? La coke. Donc je savais ce que je prenais. De trois, je suis teuf. Et de quatre, je vais devoir faire une petite. Bon, stop, Julien, on arrête. Ça suffit. Coupez-le, monsieur Milan. Merci, Julien. Et voilà. Le retour d'Evan et la tribu, c'est ce soir dès 17h sur Fun Radio, juste avant la libre antenne de Vince, bien entendu, qui sera là, lui, à partir de 20h. La bonne journée, Julie. La bonne journée, Mickaël. On va penser à elle, puisque dans sa voiture, elle risque l'accident à tout moment, puisque le vent rentre par la porte des concerts. Et avec les tempêtes, évidemment, la tempête qu'il y a. Enfin, tempête. Avec ah, mais le c'est vent, pour ça que t'es malade, tu roules dans les courants d'air. Mais oui, en fait, mais Julie, oui. Elle fait du tuning, mais elle a une prise d'air, mais seulement sur la oui, gauche. Voilà, exactement. C'est pour la pousser vers la gauche. Voilà. Voiture, c'est pratique. Bon, et puis bonne journée également à Toff, Elob et Sandro, le stagiaire. Hein. Bah écoute, oui, bonne journée. Bah voilà, bonne journée, hein, pas de problème. Et puis on se retrouve nous demain à partir de 6h avec la déclaration express, avec le remboursement des factures, avec les iPod Shuffle, avec le free code game, avec est-ce que vous serez plus intelligent que les Miss, ou même avec le ni oui ni non, ni vous verrez bien demain. Voilà, passez une bonne journée dans un instant. Lucas avec le self, vous faites la prog avec lui jusqu'à 13h. Passez une excellente journée. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de prévu là? Il y avait des demandes là, qui est arrivé, notamment Maroon 5 et Kate de Luna. C'est les premiers disques que vous avez demandé qui vont passer. C'est dans un instant avec Lucas. Bonne journée tout le monde et à demain. Ciao. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.